La Radio-Télévision française et la Société des comédiens français vous prient d'écouter en seconde diffusion Cromwell de Victor Hugo, sous la direction artistique de Jacques Régnier. Cette émission vous est présentée par M. Pierre-Aimé Touchard, ancien administrateur général de la Comédie française. Je ne pense pas que la Comédie française ait à s'excuser d'avoir voulu exhumer Cromwell, dame gigantesque ensevelie sous le prestige d'une préface à juste titre retentissante. Il ne faut pas oublier, en effet, que c'est à la pièce que nous devons la préface. C'est en écrivant Cromwell que le jeune Victor Hugo a vu se poser à lui des problèmes qu'il se savait encore trop inexpérimenté pour résoudre dans une œuvre théâtrale accomplie. Les difficultés qu'il rencontrait l'ont ainsi amené, à la faveur d'une expérience personnelle, à repenser ses théories et à les mettre au point. Cromwell n'est pas plus la démonstration d'une théorie que la préface n'est l'œuvre a priori d'un théoricien. À ce titre, l'intérêt du drame est indissolublement lié à celui de la préface. En écrivant Cromwell, Hugo l'avoue lui-même, l'auteur s'est laissé entraîner au plaisir d'enfant de faire mouvoir les touches d'un grand clavier. Désespérant d'être jamais mis en scène, il s'est livré, libre et docile, aux fantaisies de la composition, au plaisir de la dérouler à plus large pli. Et il sait fort bien, c'est Victor Hugo qui parle, qu'à la rigueur, on pourrait tout au plus extraire de ce drame une pièce qui se hasarderait alors sur la scène et serait sifflée. Néanmoins, ajoute-t-il, on reconnaîtra peut-être qu'il a été dans toutes ses parties composé pour la scène. La version que vous allez entendre s'est inspirée des critiques mêmes de Victor Hugo. On a supprimé les longueurs, les développements trop fantaisistes, mais on s'est efforcé de bien prouver qu'en effet, ce drame a été dans toutes ses parties composé pour la scène. Il a fallu couper plus de la moitié de l'ouvrage, dont la presque totalité de l'acte 4, pourtant si pittoresque, où l'on voit Cromwell, déguisé en sentinelle, recevoir les confidences de ses assassins. Cependant, aucun personnage essentiel n'a été supprimé, à l'exception du rabbin juif Israël ben Manassé, espion, usurier et astrologue, vil de deux côtés, sublime par le troisième, personnage spécifiquement hugolien, mais dont la présence dans la pièce n'est reliée à l'action que par un fil assez arbitraire. D'autre part, les nécessités de l'adaptation radiophonique nous ont obligés à supprimer les scènes de foule du début du cinquième acte. Mais nous pensons avoir respecté le mouvement du drame et les caractéristiques essentielles de chacun de ses acteurs. Ce drame, nul ne saurait mieux l'analyser que ne l'a fait Hugo lui-même. Deux passages de la préface suffiront à vous en donner l'atmosphère. Voici d'abord le portrait de Cromwell. Le nom d'Olivier Cromwell, écrit Hugo, ne réveillait chez l'auteur que l'idée sommaire d'un fanatique régicide, grand capitaine. C'est en furetant la chronique, ce qu'il fait avec amour, c'est en fouillant au hasard les mémoires anglais du XVIIe siècle, qu'il fut frappé de voir se dérouler peu à peu devant ses yeux un Cromwell tout nouveau. Ce n'était plus seulement le Cromwell militaire, le Cromwell politique de Bossuet, c'était un être complexe, hétérogène, multiple, composé de tous les contraires, mêlé de beaucoup de mal et de beaucoup de bien, plein de génie et de petitesse, une sorte de Tibère d'Andin, tyran de l'Europe et jouet de sa famille, vieux régicide, humiliant les ambassadeurs de tous les rois, torturé par sa jeune fille royaliste, austère et sombre dans ses mœurs, et entretenant quatre fous de cour autour de lui, faisant de méchants vers, sobre, simple, frugal et guindé sur l'étiquette, soldat grossier et politique délié, rompu aux argus idéologiques et si plaisants, orateur lourd, diffus, obscur, mais habile à parler le langage de tous ceux qu'il voulait séduire, hypocrite et fanatique, visionnaire dominé par des fantômes de son enfance, croyant aux astrologues et les proscrivant, défiant à l'excès, toujours menaçant, rarement sanguinaire, rigide observateur des prescriptions puritaines, perdant gravement plusieurs heures par jour à des bouffonneries, brusque et dédaigneux avec ses familiers, caressant avec les sectaires qu'il redoutait, trompant ses remords avec des subtilités, rusant avec sa conscience, intarissable en adresse, en piège, en ressources, maîtrisant son imagination par son intelligence. Et voici maintenant le sujet même du drame. C'est l'instant où Cromwell, arrivé à ce qui eût été pour quelque autre la sommité d'une fortune possible, maître de l'Angleterre dont les 1000 factions se taisent sous ses pieds, maître de l'Écosse dont il fait un pachalik et de l'Irlande dont il fait un bagne, maître de l'Europe par ses flottes, par ses armées, par sa diplomatie, essaie enfin d'accomplir le premier rêve de son enfance, le dernier but de sa vie, de se faire roi. L'histoire n'a jamais caché plus haute leçon sous un drame plus haut. Le protecteur se fait d'abord prier. L'auguste farce commence par des adresses de communauté, des adresses de ville, des adresses de comté. Puis, c'est un bill du Parlement. Cromwell, auteur anonyme de la pièce, en veut paraître mécontent. On le voit avancer une main vers le sceptre et la retirer. Il s'approche à pas obliques de ce trône dont il a balayé la dynastie. Enfin, il se décide brusquement. Par son ordre, Westminster est pavoisé. L'estrade est dressée. La couronne est commandée à l'orfèvre. Le jour de la cérémonie est fixé. Dénouement étrange, c'est ce jour-là même, devant le peuple, la milice, les communes, dans cette grande salle de Westminster, sur cette estrade dont il comptait descendre roi, que subitement, comme en sursaut, il semble se réveiller à l'aspect de la couronne, demande s'il rêve, ce que veut dire cette cérémonie, et dans un discours qui dure 3 heures, refuse la dignité royale. Vous allez donc entendre l'œuvre d'un jeune homme de 24 ans. Vous ne pourrez manquer de sourire parfois de ses naïvetés, mais je ne pense pas que vous perdrez votre temps si, exaucant le souhait de l'auteur, vous voulez bien l'écouter selon le conseil de Chateaubriand, en quittant la mesquine critique des défauts pour la grande et féconde critique des beautés. La taverne des Trois Grues, intérieur d'une vieille maison du Moyen-Âge. Laure Ormond, déguisée en tête ronde, cheveux coupés très courts, chapeau à haute forme et à large bord, est assis à une table dans un coin obscur. Laure Broghill, costume de cavalier élégant et négligé, entre. Il tient un billet ouvert à la main et le lit attentivement. Demain, 25 juin 1657, quelqu'un que Laure Broghill autrefois chérissait attend de grand matin le dealer aux Trois Grues, près de la halle au vin, à l'angle des deux rues. Voilà bien la taverne, et c'est le même lieu que Charles à Worcester, abandonné de Dieu, seul disputant sa tête après son diadème, avait, pour fuir Cromwell, choisi dans Londres même. Mais ce billet qu'hier j'ai reçu, d'où vient-il? L'écriture... Que Dieu conserve Laure Broghill. Quoi? C'est donc toi, l'ami, qui me fait à cette heure pour ce bouge enfumé déserter ma demeure? Dis ton nom, d'où viens-tu? Pourquoi? De quelle part? Que me veux-tu? J'ai vu cet homme quelque part. Laure Broghill. Réponds donc. Les maraudes de ta sorte sont faits pour amuser nos gens, à notre porte. Et c'est là tout l'honneur pour les traiter fort bien que ceux de notre rang doivent à ceux du tien. Je te trouve hardi. Milord, sans vous déplaire, sont-ce là les discours d'un seigneur populaire, d'un ami de Cromwell? Cromwell, vieux puritain, si tu le réveillais par hasard si matin, te ferais, pour changer le cours de tes idées, prendre à quelques gibets haut de 30 coudées. Plutôt que l'éveiller, j'espère l'endormir. Cromwell, qui sur le trône enfin va s'affermir, saura bien châtier la canaille insolente. Son trône est un billot et sa pourpre est sanglante. Transfuge, serviteur d'estuaire, je le vois, vous l'avez oublié. Ce regard, cette voix. Mais qui donc êtes-vous? Broghill me le demande. Rappelez-vous, Milord, les guerres de l'Irlande. Tous deux ensemble, alors, nous y servions le roi. C'est le comte d'Ormond. Mon vieil ami, c'est toi. Toi, dans Londres, eh, grand Dieu, la veille du jour même où Cromwell, triomphant, s'élève au rang suprême, ta tête est mise à prix, si l'on vient à savoir. Que fais-tu donc ici, malheureux? Mon devoir. T'ai-je pu méconnaître? Oh, mais cet air sinistre, Milord, l'aisant, surtout cet habit de ministre, vous êtes si changé. Je le suis moins que vous. Broghill, devant Cromwell, vous pliez les genoux. Broghill se courbe au pied d'un régicide infâme. Moi, j'ai changé d'habit, mais toi, de cœur et d'âme. Te voilà, toi qu'on vit si grand dans nos combats. Tu ne montais si haut que pour tomber si bas. Oh, vaincu, je vous plains, proscrit, je vous révère, mais ce langage... est juste autant qu'il est sévère. Pourtant, écoute-moi, tu peux tout réparer. Serre-moi. Près de Cromwell, oui, je cours l'implorer. Je puis sauver ta vie, elle est proscrite. Arrête. Demande-moi plutôt de protéger ta tête. Ton insultant appui, ton protecteur, ton roi, ton Cromwell est plus près de sa perte que moi. Qu'entends-je ? Écoute donc. Dévoré de tristesse, là des titres mesquins de protecteur d'altesse, Cromwell veut être enfin au des royales portées, salué par les rois du nom de majesté. Cromwell, dans ce butin que chacun se partage, prend de Charles Ier le sanglant héritage. Il l'aura tout entier, son trône et son cercueil. Le régicide roi saura dans son orgueil que la couronne est lourde et bien qu'on s'en empare, qu'elle écrase parfois les têtes, qu'elle part. Que dis-tu ? Que demain, à l'heure où Westminster s'ouvrira pour ce roi, que va sacrer l'enfer, sur les marches du trône un instant usurpé, on le verra sanglant, roulé sous nos épées. Tu verras de tes yeux, ici, dans un moment, les gens du roi mêlés à ceux du Parlement. Cromwell est bien adroit. Vous jouez votre tête. Dieu sait pour qui demain doit être un jour de fête. Notre complot, Broghill, est d'un succès certain. Rochester doit ici m'amener ce matin Sedley, Jenkins, Clifford, Davenant le poète, qui nous porte du roi la volonté secrète. Au même rendez-vous viendront Carr, Harrison, Sir Richard Willis. Mais ceux-là sont en prison. Ce sont des ennemis que dans la tour de Londres, Cromwell tient enfermés. Un mot va te confondre. Liés au même sort par des nœuds différents, pour abattre Olivier, nous comptons dans nos rangs le gardien de la tour. Baxted, le régicide. Que l'espoir du pardon à nous servir décide. Tu vois avec quel art le complot est formé. Dans un vaste réseau, Cromwell est enfermé. Il n'échappera pas. Les parties unanimes, sous le trône qu'il dresse, ont creusé des abîmes. Je t'interpelle au nom du bon plaisir royal. Veux-tu vivre fidèle ou mourir déloyal ? Réfléchis. Pour répondre, Ormond te laisse une heure. Il écrit quelques mots sur un papier et le présente à Broghill. Voici mon nom d'emprunt, ma secrète demeure. Ah, ne me le dis point. Non, j'en sais trop déjà. Longtemps, la même tante amie nous protégea, je le sais. Mais il faut que mon sort s'accomplisse. Adieu. Je ne serai délateur ni complice. J'oublierai tout ceci. Mais écoute un conseil. Es-tu sûr du succès dans un complot pareil ? Rien n'échappe à Cromwell. Il surveille l'Europe. Son œil partout l'épie et sa main l'enveloppe. Et lorsque ton bras cherche où tu le frapperas, peut-être il tient le fil qui fait mouvoir ton bras. Tremble, Ormond. Lord Broghill, laissez-moi, je vous prie. Ormond baise les mains de votre seigneurie. Lord Broghill sort et la porte se referme sur lui. N'y pensons plus. Il s'assied et paraît méditer profondément. Beau page, on ne te croit guère qui t'éveille avant le jour. C'est un rendez-vous de guerre, plus qu'un rendez-vous d'amour. Mais qui chante ainsi, c'est quelque fou, ou Rochester. Lui-même. Ah non, sur son genou, le voilà griffonnant. Lord Rochester entre gaiement, un crayon et un papier à la main. Pardonnez, Milord Comte, j'écris de ma chanson. Il faut que je vous conte. Dieu garde votre grâce, à peine y voit-on clair. Vous attendez nos gens, comment trouvez-vous l'air? Un soldat au dur visage, une nuit paraît un page. N'est point l'esprit fait à juger ce talent. Vous, Milord, je vous tiens pour un juge excellent. On est fou comme lui. Cordieux de me l'adjoindre. Mais c'est fort sérieux et ce n'est pas le moindre de mes quatrains. D'ailleurs, l'objet est si charmant. C'est pour Francis Cromwell. Francis Cromwell ? Vraiment, j'en suis fort amoureux. De la plus jeune fille de Cromwell ? De Cromwell, elle est d'honneur gentille. Que dis-je ? C'est un ange, enfin. De par le ciel, Lord Rochester est pris de Francis Cromwell. À votre étonnement sans peine, je devine que vous n'avez pas vu cette beauté divine. 17 ans. Cheveux noirs, grand air, blancheur de lys, et de si belles mains, et des yeux si jolis, Milord. Une sylphide, une nymphe, une fée. C'est hier que je l'ai vue, elle était mal coiffée, n'importe. Tout est bien, tout lui sied, tout lui va. On dit que l'autre mois dans Londres elle arriva, et que loin de Cromwell, par sa tante élevée, elle porte en son cœur la loyauté gravée, qu'elle aime fort le roi. Voici mon madrigal, c'est dans le goût nouveau. Cela m'est fort égal. Excusez-moi, Milan, en parler nettement, vous devriez plutôt, dans un pareil moment, me donner quelque avis, me dire où nous en sommes. Combien au rendez-vous viendront nos gentilshommes, si l'on peut, dans l'Ambert, voir un appui réel que chanter des quatrains aux filles de Cromwell. Milan est vif. Je puis, sans trahison, j'espère, être épris d'une fille. Et l'êtes-vous du père? Vous vous fâchez? Vraiment, je ne vois pas pourquoi. Mon histoire, à coup sûr, amuserait le roi. Le bon vieux gentilhomme est d'une humeur de dogue. Ah. Venez varier un peu le dialogue. D'avenant! Cher poète, on vous attend ici pour vous lire un quatrain. C'est un autre souci qui m'amène. Que Dieu, Milord, vous accompagne. Vous apportez, monsieur, des ordres d'Allemagne? Oui, je viens de Cologne. Avez-vous vu le roi? Non, mais sa majesté m'a parlé. Sur ma foi, je ne vous comprends pas. Voici tout le mystère. Avant d'autoriser mon départ d'Angleterre, Cromwell me fit venir. Il exigea de moi ma parole d'honneur de ne pas voir le roi. Je le promis. À peine arrivé dans Cologne, je me souvins des tours qu'on m'a pris en Gascogne. Et j'écrivais au roi de souffrir que la nuit je fusse sans lumière en sa chambre introduite. Vraiment? Sa majesté qui daigna le permettre m'entretint. M'honora d'un ordre à vous remettre. C'est ainsi que, fidèle à mon double devoir, j'ai su parler au roi sans toutefois le voir. D'avenant, la ruse est bien des mieux ourdie. Ce n'est pas la moins drôle entre vos comédies. Drôle? Je n'entends pas chicaner sur ce point. Au serment d'un poète, on ne regarde point. Mais ces subtilités que d'autres noms je nomme ne satisferaient pas l'honneur d'un gentilhomme. Et l'ordre écrit du roi? Je le porte toujours au fond de mon chapeau, dans un sac de velours. Là, du moins, je suis sûr que nul ne l'ira prendre. Il tire de son chapeau un sac de velours cramoisi, en extrait un parchemin scellé et le remet à Lord Ormond, qui le reçoit à genoux et l'ouvre après l'avoir baisé avec respect. Pendant qu'il lit cela, je veux vous faire entendre des vers. Jacques Butler, notre digne effet comte et marquis d'Ormond, il faut qu'à Whitehall, jusqu'auprès de Cromwell, Rochester s'introduise. À merveille! Le roi veut-il que je séduise sa fille? Mon quatrain célèbre ses appâts. Qu'on mêle au narcotique au vin de ses repas. Endormi dans son lit, il faut qu'on la vestisse. Nous l'amener vivant, nous nous ferons justice. D'ailleurs, en d'avenant, ayez toujours crédit, c'est notre bon plaisir. Vous le tiendrez pour dit Charles Roy. Il remet avec le même cérémonial la lettre royale à d'avenant, qui la baise, la replace dans le sac de velours et cache le tout dans son chapeau. Mais la chose est plus facile à dire qu'à faire en vérité. Comment diable introduire Rochester chez Cromwell? Il faudra être adroit. Je connais chez Cromwell un vieux docteur en droit, un certain John Milton, secrétaire interprète aveugle. Assez bon clerc, mais fort méchant poète. Qui, ce Milton, l'ami des assassins du roi, qui fit l'iconoclaste et je ne sais plus quoi l'antagoniste obscur du célèbre Saumaise? D'être de ses amis, aujourd'hui, je suis aise. Il manque au protecteur un chapelain, je crois. Milton peut, à Milord, faire obtenir l'emploi. Rochester chapelain. La mascarade est drôle. Et pourquoi non, Milord? Je sais jouer un rôle dans une comédie et j'ai fait le larron. Vous savez, d'avenant, dans Le Roi Bûcheron. Vous rentrez chez Cromwell, d'ailleurs, la voie est sûre. D'avenant s'assied à table et écrit un billet. Avec ce mot de moi, Milord, je vous assure qu'au vieux diable, Milton vous recommandera. Et que pour chapelain, le diable vous prendra. Je verrai Francis. Lord Rochester avance la main avec empressement pour prendre la lettre de d'avenant. Mais souffrez que je la plie. Ah, Francis. Pour la petite, au moins, pas de folie. Non, non. Si je pouvais lui glisser mon quatrain. Un quatrain quelquefois met les choses en train. Ça, dans la place admise, que me faudra-t-il faire? Voici dans cette fiole un puissant somnifère. On sert toujours le soir au futur souverain de l'Hippocrate ou trempe un brin de romarin. Mêlez-y cette poudre et séduisez la garde de la porte du parc. Le reste nous regarde. Mais pourquoi donc le roi veut-il qu'un coup de main enlève cette nuit Cromwell qui meurt demain? Sa mort par les siens même est jurée. Au contraire, au coup des puritains, le roi veut le soustraire. Il veut se passer d'eux. D'ailleurs, il est souvent bon d'avoir pour otage un ennemi vivant. Et de l'argent. Un brick mouillé dans la Tamise porte une somme en or qui nous sera transmise. Et pour tout cas urgent, Manassé, juif maudit, nous ouvre au denier 12 un généreux crédit. Pas bien. Gardons toujours l'appui des têtes rondes. Nous ébranlons un chêne aux racines profondes. Que leur concours nous reste, et que le vieux renard, s'il trompe nos filets, tombe sous leurs poignards. Bien dit, cher d'avenant. Voilà des mots sonores. C'est bien un vrai poète, usé des métaphores. Cromwell, à la fois chêne et renard, c'est très beau. Un renard poignardé. Vous êtes le flambeau du pain d'anglais. Aussi, je réclame, mon maître, votre avis. Le quatrain sur l'eau va reparaître. Sur des vers qu'hier soir... Milord, est-ce l'endroit ? Que tous ces grands seigneurs sont d'un génie étroit. Milord, le pire fat qui dans Paris s'étale, le dernier damaret de la place royale, avec tous ses plumets sur son chapeau tombant, son rabat de dentelle et ses nœuds de ruban, sa perruque à tuyaux, ses bottes évasées, l'esprit, moins que vous, plein de billevesées. Milord, vous n'êtes point mon père. À vos discours, vos cheveux gris pourraient porter un vain secours. Votre parole est jeune et nous fait le même âge. Vous me rendrez par Dieu raison de cet outrage. De grand cœur, votre épée au vent, peau d'un oiseau. D'honneur, je m'en soucie autant que d'un roseau. Milord, y pensez-vous ? La paix sur l'heure. L'ami, la paix est bonne et la guerre est meilleure. Si le crieur de nuit nous entendait, je crois qu'on frappe. Au nom de Dieu, Milord ! Au nom du roi ! Les deux adversaires s'arrêtent et baissent leurs épées. Tout est perdu. La garde peut être appelée. Paix ! Les deux lords remettent leurs épées dans le fourreau, leurs grands chapeaux sur leur tête et s'enveloppent de leurs capes. D'Avenant va ouvrir. Paraît Car en costume complet de tête ronde. Il s'arrête gravement sur le seuil de la porte et salue les trois cavaliers de la main sans ôter son chapeau. N'est-ce pas ici, mes frères, l'Assemblée des Saints ? Oui. C'est ainsi que se nomme tant rue cette damnée puritain. Soyez le bienheureux, le bienvenu, mon frère, en ce conventicule. Notre excès belliqueux était fort ridicule, Milord. Restons-en là. J'avais le premier tort, soyons amis. Je suis à vos ordres, Milord. Comte, ne pensons plus qu'au roi dont le service a besoin que ma main à la vôtre s'unisse. J'ai du long parlement mérité le courroux. Depuis 7 ans, la tour me tient sous les verrous. Pleurant nos libertés, sous Cromwell disparu, ce matin, mon geôlier m'ouvre et dit « Aux trois grues, on t'attend. Israël convoque ses tribus. On va détruire enfin Cromwell et les abus. Va !» Je vais. Et j'arrive à votre porte amie, comme autrefois Jacob en Mésopotamie. Salut ! Mon âme attend vos paroles de miel, comme la terre sèche attend les eaux du ciel. La malédiction me souille et m'enveloppe. Donc, purifiez-moi, frère, avec l'hysope. Car si vos yeux vers moi ne tournent leur flambeau, je serai comme un mort qui descend au tombeau. Je démêle au milieu de ces dongs, de ces cars, qu'il nous vient de la tour et qu'il s'appelle Car. C'est un des conjurés que Barkstead nous envoie. Ce car est un sectaire, un vieil oiseau de proie. Frère, j'ai bien souffert. On m'oubliait dans l'ombre, comme des morts d'un siècle ont leur sépulcre sombre. Le Parlement, qu'hélas j'ai moi-même offensé, par Olivier Cromwell avait été chassé, et captif je pleurais sur la vieille Angleterre, semblable au pélican près du lac solitaire, et je pleurais sur moi. Par le feu du péché, mon front était flétri, mon bras était séché, mais enfin, le Seigneur me plaint et me relève. Sur la pierre du temple, il aiguise mon glaive. Il va frapper Cromwell et chasser de Sion la désolation de la perdition. Sur mon nom, la harangue est fort originale. Je reprends parmi vous ma robe virginale. Dites-moi, vous étiez d'opinions diverses. Sur quel texte roulaient vos saintes controverses ? Tout à l'heure, monsieur, c'était sur un verset. Par Dieu, si mon quatrain par hasard lui plaisait. Il m'écoute déjà d'une ardeur sans pareille. Quel poète, d'ailleurs, pourrait voir une oreille s'ouvrir si largement sans y jeter des vers. Risquons le madrigal à tort comme à travers. D'abord, faisons-le boire. On sait qu'au bruit des vers se dérident parfois nos puritains sévères. Monsieur doit avoir soif. Jamais, ni soif ni faim, car je mange la cendre, ami, comme du pain. Il peut bien manger seul si c'est ainsi qu'il dîne. N'importe. Hôte, garçon ! Un garçon de taverne paraît. Un broc de muscadine ! Ah, cet original plus amuse encore mon. Le garçon garnit une table. Tu m'as, comme Satan, conduit au haut du mont. Et ta langue m'a dit, tu sors d'un jeûne austère. As-tu soif ? À tes pieds, je mets toute la terre. Je vous ai seulement offert un coup de vin. Fou. Non, ce ne sont pas des saints. Tu t'en désistes ? C'est un club de démons, un sabbat de papistes. Ce sont des cavaliers sortants. Adieu, mon cher. Mes pieds marchent ici sur des charbons d'enfer. Paraissent le colonel Joyce, le major général Harrison, le corailleur Barbone, le lieutenant général Ludlow, le colonel Overton, le colonel Pryd, le soldat Cindercombe, le major Willman, le député Garland Plinlimon et autres puritains. Ils entrent comme processionnellement enveloppés de manteaux, chapeaux rabattus, grandes bottes, longues épées qui soulèvent le bord postérieur de leurs manteaux. Eh bien, que fais-tu donc? Tu pars quand on arrive? Joyce, on t'a trompé. N'entre pas dans Ninive. Sors de ce lieu maudit. Barbone, Harrison, ce sont des cavaliers, non des saints. Trahison. Mais ces cavaliers-là, mon vieux car, sont des nôtres. Il faut bien employer leurs bras, à défaut d'autres. Ce sont nos alliés. Mort au parti royal. Point d'alliance avec les fils de Bélial. Il est encore bien simple. Allons, reste ici, reste. Oui, vous vous préservez de leur contact funeste. Les trois cavaliers se sont assis à une table à droite du théâtre. Les puritains, groupés à gauche, paraissent s'entretenir à voix basse et lancent de temps en temps des regards de haine sur les cavaliers. Car, seul, paraît observer constamment les cavaliers, mais il se tient un peu à l'écart des autres têtes rondes. Ce poltron de Lambert tarde à venir. Il faut qu'en rêve, cette nuit, il ait vu l'échafaud. Nos bons amis les saints ont la mine bien sombre. Nous ne sommes que trois, et par Saint-Paul, leur nombre devient inquiétant. Mais voici du renfort. Sedley, Roseberry, Lord Drogheda, Clifford... Et l'illustre Jenkins que le tyran écoute tout en persécutant sa vertu qu'il redoute. Quoi, les tables déjà par terre, que je crois, on a donc commencé. Mais deux verres pour trois, qui jeûne d'entre vous? Préparons ce désordre, j'ai faim et soif. Ils n'ont de bouche que pour mordre, ces païens. Faim et soif. C'est leur hymne éternel. Ils sont ensevelis dans l'appétit charnel. Paresseur Richard Willis, costume de vieux cavalier, barbe blanche, air souffrant. Sir Richard Willis. Tous les cavaliers se lèvent et vont à sa rencontre. Il paraît marcher avec peine. Roseberry et Rochester lui offrent le bras et l'aide. Bon instant de sa chaîne, chers amis. Jusqu'à vous. Le vieux Richard se traîne. Hélas, vous me voyez faible et souffrant toujours des persécutions qui pèsent sur mes jours. Mes yeux de la lumière ont perdu l'habitude. Tant de me tourmenter, Cromwell fait son étude. Mon pauvre et vieil ami. Mais ne me plaignez pas. Si, presque dans la tombe, mené pas à pas, mon bras meurtri de fer qu'un saint zèle ranime concourt à relever le trône légitime, ou si le ciel permet que, confessant ma foi, mon reste de vieux sang coule encore pour mon roi. Qu'en exemple d'honneur vos vertus sont fécondes. Mais qu'attendons-nous donc? Voici nos têtes rondes. Lambert nous manque encore, les lâches sont tardifs. Qu'avec leurs feutres noirs coupés en forme d'if, nos saints sont précieux. Qui sont tous ces secteurs? Là-bas, c'est Plinlimon. Ludlow, parlementaire. Ah. Carr, qui nous suit d'un œil de haine et de frayeur. Le damné Barbone, inspiré corroyeur. Les autres, Harrison, régicide. Overton, régicide. Garland, régicide. Content. Que j'aurais de plaisir à chamailler un peu ces têtes rondes-là qui vont outrageant Dieu. Je voudrais, pour prix de leur pieuse veille, les arrondir encore en coupant leurs oreilles. Et quel doux passe-temps je me serais promis d'attaquer ces coquins, s'ils n'étaient nos amis. Enfin, voici Lambert. Quel bizarre mystère. Salut aux vieux amis de la vieille Angleterre. Le moment va sonner de risquer le grand coup. Concluons l'alliance et déterminons tout. Lord Ormond avance vers Lambert qui vient à sa rencontre. Jésus crucifié. Pour le salut des hommes, nous sommes prêts. Sous moi j'ai 300 gentilshommes, dont voici les chefs. Quand frappons-nous le maudit? Quand est-il roi? Demain. Frappons demain. C'est dit. C'est dit. L'heure? Midi. Le lieu? Westminster même. Alliance. Amitié. J'aurai le diadème. Quand tu m'auras servi comme j'aurais voulu, L'échafaud de Capel n'est pas si vermoulu qu'il ne supporte encore un billot pour ta tête. Il croit marcher au trône et son gibet s'apprête. Allons, s'en est donc fait, me voilà compromis. Ils m'ont choisi pour chef. Pourquoi l'ai-je permis? Ah, n'importe, avançons. Ma crainte est ridicule. Et sait-on où l'on va d'ailleurs quand on recule? Parlons. Pieux amis, il nous est parvenu que, nonobstant ce peuple et son droit méconnu, un homme qui se dit protecteur d'Angleterre veut s'arroger des rois, le titre héréditaire. C'est pourquoi nous venons à vous, vous demandant s'il convient de punir cet orgueil impudent. Et si vous entendez vengeant par votre épée notre antique franchise abolie, usurpée, portez l'arrêt de mort, sans merci ni pardon, contre Olivier Cromwell, du comté d'Huntingdon. Meurs, Olivier Cromwell ! Exterminons le traître ! Frappons, l'usurpateur ! Point de roi ! Point de maître ! Trois nouveaux conjurés sont là. Leurs bras s'indignent de venir un peu tard travailler à la vigne. Mais ces saints ouvriers se présentent à vous, sachant qu'il est écrit « Même salaire à tous ». Dis-leur d'approcher. Quels sont vos noms, mes frères ? Quoi que puisse tramer ceux qui vous sont contraires, louez Dieu, Pimpeton. Mort au péché, Palmer. Vive pour ressusciter Jéroboam des mers. Que disent-ils ? Ils ont l'habitude risible d'entortiller leurs noms d'un verset de la Bible. Vous jurez ? Nous vous jurez. Loin de nous tout serment. L'enfer seul les écoute et le ciel les dément. Blasphème que la foi nous délivre. Eh bien, vous promettez la main sur le Saint-Livre d'immoler Cromwell ? Oui. De nous prêter appui ? De vous taire ? Et d'agir ? Nous le promettons. Oui. Soyez les bienvenus. Les trois conjurés prennent place parmi les puritains. Tout est en bonne route. Courage, tout va bien. Demain, j'aurai sans doute la couronne de plus ou la tête de moins. Regardez, que d'amis, Milord. Oh, que de témoins. Amis, avant d'aller plus loin, écoutez-moi. Est-on sûr que Cromwell songe à se faire roi? Trop sûr. Et c'est demain qu'un parlement servile de ce titre proscrit par sa tête vile. Hier, à l'impur banquet qu'au nom de la cité lui donnait le lord-maire, on l'a complimenté. Il a reçu l'épée et puis il l'a rendue. Ce sont des airs de roi. L'Angleterre est perdue. Il juge, taxe, absout, condamne sans appel. Il fit assassiner Hamilton, Lord Capel. Il a de Westminster profané les tombeaux. Il a fait enterrer Ireton au flambeau. Sacrilège. Idolâtre. Ami, non, point de grâce. Qu'il meure. Exterminons le tyran et sa race. Les conjurés s'arrêtent. Silence de terreur et de surprise. Qui va là? Diable. Ami. Que veux-tu? Par le ciel, ami, vous dis, j'ouvrez. Ton nom? Richard Cromwell. Richard Cromwell? Fils du protecteur. La trame est découverte. Il faut ouvrir. Ormond ouvre, entre Richard Cromwell. Mais sur mon âme, vit-on jamais repère ainsi barricadé? Non, jamais château fort ne fut si bien gardé. Rosebery, Clifford, sans vos voix charitables qui dominaient le bruit des flacons et des tables, votre pauvre Richard se serait rebuté. Bonjour, messieurs. De qui portiez-vous la santé? Je ne vous gêne pas. Comment vous? Au contraire, trop heureux. Venez-vous nous voir pour quelque affaire? Et le même motif que vous m'amène ici. Serait-il du complot? Richard Cromwell aussi. Ah, ça, messieurs Sedley, Rosebery, Downey, Clifford, je vous accuse ici de félonie. Que dit-il? Cher Richard, Dieu me donne, il sait tout. Je vous jure! Veuillez m'entendre jusqu'au bout. Vous vous justifierez après, s'il est possible. Nous sommes découverts. Oui, la chose est visible. Voilà bientôt 10 ans que nous sommes amis. Balle, chasse, jeu, plaisir, permis et non permis, tout nous était commun jusqu'ici. Nos détresses, nos bonheurs, notre bourse et jusqu'à nos maîtresses. Vos chiens étaient à moi, vous aviez mes faucons et nous passions les nuits sous les mêmes balcons. Quoique mon nom m'enrôle en un parti contraire, toujours avec vous tous, j'ai vécu comme un frère. Et pourtant, vous avez malgré ce bon accord un secret pour Richard. Et quel secret encore? Tout est perdu, que dire? Interrogez votre âme. Devais-je enfin m'attendre à cela? C'est un fat. Croyez, mon cher Richard. Oui, cherchez des raisons. Vous ai-je pas toujours servi de cent façons? Qui fut votre recours dans vos terreurs profondes contre les usuriers, pique les têtes rondes? Oui, de votre amitié j'eus de touchantes preuves. Mon âme loin de vous se sent toujours veuve. Mais... Et cette amitié chez moi hors de saison, vous y répondez tous par une trahison. Trahison. Trahison. Dieu. Que veulent-ils dire? Oui, vous venez sans moi boire ici. Je respire. Le but du rendez-vous échappe à ses regards. Il a vu les flacons et non pas les poignards. Mon cher Richard, croyez... Haute trahison, dis-je. Vraiment, de votre part, ce procédé m'afflige. Quoi, vous vous enivrez et ne m'en dites rien? Qu'ai-je fait? Suis-je pas, comme vous, un vaurien? Boire sans moi, c'est mal. D'ailleurs, je sais me taire. Qu'au puritain sournois, vous en fassiez mystère, que vous vous déguisiez sous ces larges chapeaux, sous ces manteaux grossiers, je le trouve à propos. Mais vous cachez de moi, qui dans ce sanctuaire rirait tout le premier de la loi somptuaire et des sobres selons dont les billes absolues fixent l'écho par tête à 3 shillings au plus. Est-ce là, je vous prie, agir en camarade? Reculez-je jamais devant vos algarades? M'a-t-on moins vu, malgré les règlements nouveaux, dans les combats de coqs, les courses de chevaux? Enfin, suivant partout votre audace étourdie, n'ai-je pas avec vous joué la comédie? Ai-je des torts? Non, pas. J'aime qu'on m'avertisse. Richard! Vous me rendez sans doute la justice de croire que je hais ces puritains maudits, comme vous. Comme nous. C'est ce que je vous dis. Et comment supporter ces stupides sectaires, souillant les livres saints de sanglants commentaires, qui toujours dans le meurtre et toujours louant Dieu, font des sermons sans fin et puis trichent au jeu. Les saints jouets, tu mens, enfant d'Hérodiade. J'allais faire comme eux une jérémiade. Laissons cela. Tenez, pour vous prouver, ami, combien je crains peu d'être avec vous compromis, à quel point tous mes voeux au vôtre se confondent, combien j'aime la cause où vos souhaits se fondent, je bois à la santé du roi Charles. Nous sommes seuls ici. Pourquoi cet air d'effroi? J'avais bien deviné qu'Israël était dupe. Au fond, c'est des stuarts qu'en ces temps on s'occupe. Nous verrons. C'est le fils de Cromwell, cependant. Mais s'il est du complot, il est bien imprudent. La salle des banquets à Whitehall. On voit la croisée par laquelle sortit Charles Ier pour aller à l'échafaud. Un grand fauteuil gothique près d'une table à tapis de velours où l'on distingue encore le chiffre CR Carolus Rex. Des groupes nombreux de courtisans, les ambassadeurs d'Espagne et de France avec leur suite, un groupe d'envoyés suédois, un autre d'envoyés piémontais, un autre d'envoyés hollandais, tous remarquables par leurs divers costumes, attendent l'arrivée de Cromwell. À son entrée, tous les assistants se découvrent et s'inclinent avec respect. Le duc de Créqui, ambassadeur de France, et M. de Mancini, neveu de Mazarin, lui remettent une lettre du cardinal ainsi qu'une épée d'or et un tapis des Gobelins. Puis les députés vaudois présentent une supplique. Aux uns comme aux autres, Cromwell répond avec une hautaine courtoisie. Enfin, l'envoyé de Suède, Philippi, dépose devant Cromwell un petit coffret à cercle d'acier poli. Plaît-il à votre Altesse ouvrir cette cassette? Qu'enferme-t-elle? Ouvrez, Seigneur. Vous m'étonnez, quel mystère. Seigneur, voici la clé. Donnez. Cromwell ouvre la cassette avec précaution. Une couronne? Quoi? C'est bien un piège encore. Que veut dire ceci? Sire! Est-ce de bon or? Ah, sire, en doutez-vous. Bon, qu'on le fasse fondre. Je donne ce métal aux hôpitaux de Londres. Je ne puis mieux, je pense, employer ces joyaux, ces parures de femmes et ces hochets royaux. Je ne saurais qu'en faire. Est-ce donc qu'il s'obstine à rester protecteur? Il pourrait à Christine envoyer en échange une tête de roi. Oui, ce digne présent, il n'irait mieux, je crois, le vassal régicide à la reine assassine. Adieu, seigneur suédois, natif de tes racines. Cromwell paraît apercevoir pour la première fois Don Luis de Cardenas, qui jusque-là s'est épuisé en vains efforts pour être remarqué. Et bonjour, Don, monsieur l'ambassadeur d'Espagne. Nous ne vous voyons pas. Que Dieu vous accompagne, Altesse. Nous venons pour un haut intérêt réclamer la faveur d'un entretien secret. Nous sommes divisés par la guerre de Flandre, mais le roi catholique avec vous peut s'entendre. Et pour montrer l'état qu'il fait de vous encore, mon maître, à votre Altesse, offre la toison d'or. Les pages porteurs de la toison d'or s'approchent. Pour qui me prenez-vous? Qui, moi, le chef austère des vieux républicains de la vieille Angleterre, j'irai des vanités détestables soutiens souiller ce cœur contrit d'un symbole païen? On verrait sur le sein du vainqueur de Sodome pendre une idole grecque au rosaire de Rome? Loin ces tentations, ces pompes, ce collier. Cromwell à Balthazar ne veut pas s'allier, ce serait une honte un peu trop solennelle. Mais partez! Adieu donc! Guerre! Et guerre éternelle! Il sort avec toute sa suite. Il importait de rompre en cette conférence avec l'Espagne aux yeux des envoyés de France. Mais suivez Cardenas, tâchez de l'apaiser et sachez s'il se peut ce qu'il vient proposer. Milady protectrice! Mon Dieu, c'est ma femme. Adieu, monsieur le duc, messieurs. Tous sortent en renouvelant leur profonde révérence. Le comte de Carlisle et Whitlock reconduisent en cérémonie l'ambassadeur de France. Pendant leur sortie, entre Elisabeth Bourchier, femme de Cromwell, et Lady Francis, toute jeune fille en blanc avec un voile. Bonjour, madame. Vous avez l'air souffrant. Auriez-vous mal dormi? Oui, je n'ai jusqu'au jour fermé l'œil qu'à demi. Décidément, monsieur, je n'aime pas le faste. La chambre de la reine où je couche est trop vaste. Ce lit armorié d'estuaire, des Tudors, ce dais de drap d'argent, ces quatre piliers d'or, ces panaches altiers, la haute balustrade qui m'enferme captive en ma royale estrade, ces meubles de velours, ces vases de vermeil, c'est comme un rêve enfin qui m'ôte le sommeil. Et puis, de ce palais, il faut faire une étude. De ces mille détours, je n'ai pas l'habitude. Oui, vraiment, je me perds dans ce grand Whitehall. Et je suis mal assise en un fauteuil royal. Ainsi, vous ne pouvez porter votre fortune. Tous les jours, votre plainte. Elle vous importune, je le sens. Mais enfin, je préférerais, moi, notre hôtel de cockpit à ce palais de roi. Et mille fois surtout, n'est-il pas vrai, ma fille, le manoir du Tindon, la maison de famille. Heureux temps. Quel plaisir, dès le lever du jour, d'aller voir le verger, le parc, la basse-cour, de laisser les enfants jouer dans la prairie, et puis de visiter tous deux la brasserie. Milady. Jours heureux où Cromwell n'était rien, où j'étais si tranquille, où je dormais si bien. Quittez ces goûts bourgeois. Songez à votre mère. Hélas, votre grandeur incertaine, éphémère, a troublé ces vieux jours. Mille soucis cuisants l'ont poussée au tombeau plus vite que les ans. Calculant les périls où vous êtes en butte, son œil, quand vous montiez, mesurait votre chute. Chaque fois qu'abattant tour à tour vos rivaux, Londres solennisait vos triomphes nouveaux, tremblante, elle criait « Grand Dieu, mon fils est mort !» Dans le caveau des rois, maintenant, elle dort. Beau plaisir. Dort-on la plus à l'aise? Et c'est elle, si vous y rejoindrez, sa dépouille mortelle. Nous irons quelques jours revoir nos beaux vallons. Encore un peu de temps ici, mais nécessaire. À quoi pensez-vous donc, Francis? Hélas, mon père. De ces lieux vénérés, l'aspect me désespère. Votre sœur, près de qui j'ai passé tous mes jours, m'apprit à révérer ceux qu'on bannit toujours et, depuis quelque temps, conduite en ces murs sombres, je crois sans cesse y voir errer de tristes ombres. Qui? Nostoire. Ce nom vient toujours retentir jusqu'à moi. C'est ici que mourut le martyr. Ma fille. Est-ce par là, mon père, la fenêtre par où Charles Ier, qu'on osait méconnaître pour la dernière fois, sorti de Whitehall? Innocente Francis, que tu me fais de mal. Ah, voici Turloé. C'est un travail qui presse, milord. Excusez-moi, Milady, votre Altesse, je voudrais être seul. À qui parlez-vous donc? À votre Altesse. À moi, monsieur Cromwell? Pardon, dans toutes mes grandeurs, moi-même, je m'oublie, je m'y perds. Mon esprit jamais ne concilie mes titres empruntés avec mon nom réel. Milady, protectrice, et madame Cromwell. Elle sort avec sa fille. Cromwell fait signe aux deux mousquetaires en faction de se retirer. Pendant que Turloé étale ses papiers sur la table de Cromwell, celui-ci paraît profondément absorbé dans une triste rêverie. Enfin, il rompt le silence avec effort. Je ne suis pas heureux, Turloé. Mais ces dames adorent votre Altesse. Ah, ces femmes, ces femmes. J'aimerais mieux régir par décrets absolus, sans ville, sans comté, sans royaume de plus. Quoi? Vous qui gouvernez l'Europe et l'Angleterre? Marier une bourgeoise au maître de la terre. Je suis esclave, ami. Milord, vous auriez pu... Non. De tout mon destin, l'équilibre est rompu. L'Europe est d'un côté, mais ma femme est de l'autre. Si je pouvais changer ma place avec la vôtre, une femme... Est-ce que vous êtes bien hardi de supposer cela? Milord, ce que j'en dis... C'est fort bien, brisons-la. Qu'avez-vous à m'apprendre? Écosse. Le marquis Grand Prévost veut se rendre. Tout le Nord se soumet au protecteur. Après? Flandre. À capituler, les Espagnols sont prêts. Dunkerque au protecteur sera bientôt remise. Après? Londres. Il vient d'entrer dans la Tamise 12 grands bateaux plats chargés des millions que Blake aux Portugais pris sur 3 galions. Après? Le duc d'Holstein au protecteur envoie 8 chevaux gris frisons. Après? Afin qu'on voit que s'il reçut Rupert, il en est désolé, le grand duc de Toscane à qui Blake a parlé... Après? Le maréchal des diètes de Pologne... N'est-il donc pas venu des lettres de Cologne? Si, vraiment, mais rien qu'une. Et de qui? De Manning, votre agent auprès de Charles. Et donne. Elle est du 5. Que tous ces messagers sont lents, 20 jours de date. Ah, monsieur d'Avenant. La ruse est délicate. La nuit... On éteignit tous les flambeaux. Comment capitulerait-on mieux avec un serment? Il faut être papiste. Ah, le royal message caché dans son chapeau. Précaution fort sage. Mais je suis curieux. Turloé, fais savoir à monsieur d'Avenant que je voudrais le voir. Il loge à la sirène auprès du pont de Londres. Voyons qui de nous deux sa ruse va confondre. Malveillant, mais dans l'ombre où se cachent vos pas, j'ai toujours un flambeau, traître, qu'on n'éteint pas. Continuons. As-tu vu l'envoyé d'Espagne? Il vous offre Calais, si dans cette campagne, vous voulez secourir Dunkerque sans délai. La France offre Dunkerque et l'Espagne Calais. Et maintenant, que fait le secret comité du Parlement, touchant le projet présenté? Contre vous ont parlé Purefoy, Goff, Pride, Nicolas et surtout Garland. Le régicide. Mais ils auront en vain lutté contre le vent. La majorité vote avec nous. Et suivant Lord Pembroke, ancien père qui dans tout temps surnage, la couronne est à vous de droit. Plat personnage. Par votre ambition, Feg se dit excité contre vous. Je le fais sergent de la cité. Trinchard aussi paraît mécontent et morose. Une dîme à Trinchard sur les biens de Montrose. Sir Gilbert Pickering, ce juge qui reçoit de toutes mains, devient récalcitrant. Qu'il soit baron de l'échiquier. Le reste est mon affaire, que Milord seulement daigne se laisser faire. Vous serez aujourd'hui prié très humblement d'accepter la couronne au nom du Parlement. Je le tiens enfin, ce sceptre insaisissable. Mes pieds ont donc atteint le haut du mont de sable. Mais dès longtemps, Milord, vous régnez. Non, non, non, j'ai bien l'autorité, mais je n'ai pas le nom. Tu souris, Turloé. Tu ne sais pas quel vide creuse au fond de nos cœurs l'ambition avide, comme elle fait braver douleur, travail, péril, tout enfin, pour un but qui semble puéril. Qu'il est dur de porter sa fortune incomplète. Puis, je ne sais quel lustre où le ciel se reflète environne les rois depuis les temps anciens. Ces noms, rois, majestés, sont des magiciens. D'ailleurs, sans être roi du monde, être l'arbitre, la chose sans le mot, le pouvoir sans le titre, pauvreté. Va, l'empire et le rang ne font qu'un. Tu ne sais pas, ami, comme il est important quand on sort de la foule et qu'on touche le fait de sentir quelque chose au-dessus de sa tête, ne serait-ce qu'un mot. Ce mot, alors, est tout. Votre Altesse, que Dieu vous guide jusqu'au bout. On entend un bruit de pas. Cromwell regarde dans une galerie latérale. Voici les courtisans avec leurs airs de fête. Je vais prendre un peu l'air, Turloé. Tiens leur tête. Les courtisans paraissent, car arrive le dernier et s'arrête au fond, jetant autour de lui un regard scandalisé, tandis que les autres parlent sans l'apercevoir. Son Altesse est absente ? Oui, Milord. Je voulais lui rappeler mes droits. Je venais au palais pour une chose urgente. Une importante affaire m'a mené. Se placer Camille Lorge des Fers dans sa future cour sollicite un emploi. Ne point importuner son Altesse et Malois, cependant. Voilà donc la nouvelle Sodome. Tous se retournent avec surprise et attachent leur regard sur Carr qui demeure immobile, les bras croisés sur sa poitrine. Mais quel est cet étrange animal? C'est un homme. Je conçois qu'il apporte un visage inconnu dans cet antre où Baal montre sa face à nu. Cet homme méconnu. Ce qu'il dit n'est pas clair, mais quelque fou qu'il soit, le drôle m'a bien l'air de manquer à Bedlam moins qu'à la Tour de Londres. Allons chercher Milord. Oui, l'on pourrait répondre pour vous, l'ami, mais... Bien, c'est ainsi qu'Assillon, le diable, au fils de l'homme, offrit sa caution. Intraitable. Incurable. Et qu'à cela ne tienne, chassons-le. Arrière, tous. Il faut que j'entretienne cet homme qui devint, aux yeux de nos soldats, de Judas Maccabée, Iscariote Judas. Milord, s'il te voyait, t'enverrait à la tour. D'ailleurs, est-ce un costume à paraître à la cour? Il faudrait que Milord ne se respecte à guerre pour te parler. Dehors. Dieu des hommes de guerre, au sabot, sur moi jette un coup d'œil. Je lutte pour ta cause avec Léviathan. Entre Cromwell accompagné de Tourloé. Tous s'arrêtent, se découvrent et s'inclinent jusqu'à terre. Carr remet sur sa tête son chapeau et reprend son attitude austère et extatique. C'est Carr, l'indépendant. Sortez. Mystère étrange. Tous, frappés d'étonnement, sortent avec une révérence profonde. Carr demeure impassible. Il nous l'avait prédit. Laissons Lot avec l'ange. Cromwell, resté seul avec Carr, le regarde quelques instants en silence d'un air sévère et presque menaçant. Carr, calme et grave, les bras croisés sur sa poitrine, fixe ses yeux sur les yeux du protecteur sans les baisser un seul moment. Carr, le long parlement vous fit mettre en prison. Qui donc vous en a fait sortir? La trahison. Que dites-vous? A-t-il la cervelle troublée? Oui, j'offensais de saint la suprême assemblée. Nous sommes tous proscrits maintenant sous ta loi. Moi, coupable par eux, eux, innocents par toi. Puisque vous approuvez l'arrêt qui vous afflige, qui donc brise vos fers? La trahison, te dis-je, car vers un nouveau crime aveugle on m'entraînait. J'ai vu le piège à temps. Quoi donc? Baal renaît. Expliquez-vous. Écoute, un noir complot s'apprête. Assieds-toi, Cromwell. Mets ton chapeau sur ta tête. Surtout, n'interromps pas. Tous ces airs-là, mon cher, dans tout autre moment, tu me les paierais cher. Un complot te menace. Et tu comprends sans doute que s'il ne menaçait que toi, je n'irais pas perdre à t'en informer mes discours et mes pas. Tu me rends bien plutôt la justice de croire que de s'y joindre aux saints, car ce serait fait gloire. Mais il s'agit ici de sauver Israël. Je te sauve en passant. Tant pis. Est-il réel, ce complot? Savez-vous où la bande s'assemble? J'en sors. Vraiment? Qui donc vous ouvrit la tour? Tremble. Backstead. Il me trahit? Il a pourtant signé l'arrêt du roi. L'espoir du pardon l'a gagné. Coup du ciel. Tourloé n'avait pas tort, vraiment. Donc, les partis rivaux du roi, du parlement, sont ligués contre moi. Du côté royaliste, quels sont les chefs? Crois-tu comme on ait fait la liste? Je me soucie, ami, de ces maudits satans autant que de la paille où j'ai dormi 7 ans. Pourtant, s'il m'en souvient, il nommait à voix haute Rochester, Lord Ormond. En es-tu sûr, mon hôte? Eux, à Londres? Cromwell écrit leur nom. Voyons, fais encore un effort. Sadley. Bon. Drogheda. Rosebery. Clifford. Libertin. Et les chefs populaires? Arrête. Moi, te livrer nos seins, les yeux de notre tête? Non. Quand tu m'offrirais 10 000 cycles d'or, comme le roi Saül à la femme d'Andorre. On ouvre mal de force une bouche fermée. Ne l'essayons pas. Car, Nous sommes vieux amis, comme deux bornes Dieu dans son champ nous a mis. Cromwell, pour une borne, a fait du chemin. Frère, à d'imminents dangers tu viens de me soustraire, je ne l'oublierai point. Le sauveur de Cromwell... Ah, pas d'injure, car n'a sauvé qu'Israël. Qu'exiges-tu, mon frère? Est-ce un titre héraldique, un grade, un domaine? Hein? Que veux-tu? Parle. Abdique. Il est incorrigible. Ami, pour abdiquer, suis-je roi? Subterfuge. Et quoi, déjà manqué à ta promesse? Non. Je le vois, tu balances. Ah, tu devrais payer 1000 fois tes outrances. Mais je ne veux pas, moi, te laisser à demi satisfait. Dis-moi donc, quel est cet ennemi? Quel est son nom? Richard Cromwell. Mon fils? Lui-même. Es-tu content, Cromwell? Le vice et le blasphème l'ont jusqu'au parricide amené lentement. On avait donc raison, céleste châtiment. J'assassinai mon roi, mon fils tuera son père. Que veux-tu? La vipère engendre la vipère. Richard, que je croyais insouciant, frivole, léger comme l'oiseau qui chante et qui s'envole, vouloir ma mort. Mais dis, frère, en es-tu bien certain? Mon fils? Au rendez-vous, il était ce matin. Où donc, ce rendez-vous? Taverne des Trois Grues. Que disait-il? Beaucoup de choses disparues de mon esprit. Il a... Mais voudras-tu me croire? À la santé d'Hérode, enfin, je l'ai vu boire. D'Hérode? Quel Hérode? Eh oui, de Balthazar. Comment? De Pharaon. Voudrais-tu par hasard parler? De l'Antéchrist. Qu'on nommait roi d'Écosse, ou Charles II. Mon fils, libertinage atroce, boire à cette santé, c'était boire à ma mort. Des rires, un festin, des chants, pas un remords. Parricide folâtre, un jour sur ton front pâle écrira-t-on Caïn ou bien Sardanapale. L'un et l'autre. Entre Turloé, il s'approche de Cromwell avec un air de mystère. Milord, Richard Willis est là. Richard Willis, il va m'éclaircir tout cela. Merci, mais sans adieu, frère. Soyez des nôtres. Cromwell mettra toujours car avant tous les autres. Mon pouvoir pour vos vœux ne sera pas borné. Cromwell sort avec Turloé. C'est ainsi qu'il abdique, usurpateur damné. Son Altesse ne peut recevoir aujourd'hui. Pendant que sortent les courtisans mécontents, Carr quitte la salle à son tour. Alors on voit s'ouvrir une porte masquée. Elle donne passage à Cromwell, qui regarde avec précaution autour de lui. Il entre suivi de Sir Richard Willis, qui est enveloppé d'un manteau et couvert d'un chapeau qui cache ses traits. Il n'y a plus rien de souffrant ni de cassé dans sa démarche et dans sa voix. Cromwell et lui font quelques pas. Cromwell s'arrête brusquement, joignant les mains. Je n'en puis donc douter. Mon fils aîné, Richard, a porté la santé du roi Charles Stuart et tous les conjurés dont il se disait frère, vos ennemis mortels, l'ont trouvé téméraire. Fils ingrat, quand j'élève au trône ses destins. Répétez-moi, Willis, les noms des puritains. Lambert, d'abord. Lambert, c'est là ce qui me fâche qu'un si hardi complot se donne un chef si lâche. L'Empire est au génie encore moins qu'au hasard. Que de vitellieuse grand Dieu pour un César. La foule met toujours de ses mains dégradées quelque chose de vil sur les grandes idées. Rome eut pour étendard une botte de foin. Suivons. Luglobe. Bonhomme, et qui n'ira pas loin. Brut et non pas Brutus. Saint-Hercombe. Barbonne. Mon propre tapissier, si ma mémoire est bonne. Joyce. Rustre. Overton. Bel esprit. Harrison. Voleur. Puis Winman. Fou, qu'on surprit, dictant à son valet des phrases arrondies contre moi. Mais ce sont vraiment des comédies. Un certain Carr. Je sais. Garland. Plimlimon. Quoi? Plimlimon? Et Buckstead, un des bourreaux du roi. À qui parlez-vous? Oh, sire, pardon, de grâce, une vieille habitude acquise en servant l'autre race. Ce mot ne peut atteindre à votre majesté. Sa flatterie ajoute au coup qu'il m'a porté, maladroit. Il suffit. Sont-ce toutes les têtes des puritains? Oui, sire. Ordonnons les enquêtes. Les chefs des cavaliers. Vos bontés m'ont permis de vous taire leurs noms. Ce sont d'anciens amis que j'aurais peine à perdre. Et puis, je les surveille. Ils n'échapperont point, en tout cas. À merveille. Tout lâche à son scrupule. Oui, de vos compagnons, respectez le secret. D'ailleurs, je sais leurs noms. Quels hommes différents m'ont dicté ces deux listes? Willis les puritains et Carr les royalistes. Sire, vous leur ferez grâce aussi de la mort. Sans cela, sur l'honneur, j'aurais trop de remords. Sur l'honneur? Je leur rends, certes, un service immense. D'avance, ainsi, pour eux, j'éveille la clémence. J'évente leur complot. C'est qu'il me fait pitié. Et si je les trahis, c'est bien pure amitié. Vos appointements sont portés à 200 livres. Oui. C'est là le prix du sang des tiens que tu me livres. À ce moment, Rochester, en costume de ministre puritain, paraît. Il se croit seul. Ah, par le ciel, m'y voici. Répétons bien mon thème. Il faut d'un puritain prendre deux fois le ton quand on parle à Cromwell de la parole de Milton. D'avenant m'a servi. Grâce à Milton qui leurre, je serai chapelain de Nol avant une heure. Si le diable aujourd'hui m'emporte par le ciel, il ne m'emportera qu'aumônier de Cromwell. Ah, ça commence, vil mot, la tragicomédie. Dans la gueule du loup met ta tête hardie et porte pour ton roi, sans plainte, ce chapeau et ces choses de drap qui t'écorchent la peau. Tu vas revoir Francis. Mais qui sont ces deux hommes? Et c'est par un brick suédois qu'on fait passer les sommes. Et le chancelier Hyde, en sa lettre, me dit qu'un juif pour l'entreprise offre aussi son crédit. Quoi donc? Avec Lord Hyde, ils disent correspondre? Serait-ce... Retournez vite à la tour de Londres de peur de soupçons. Mais tout cela me confond. Sa majesté connaît mon dévouement profond. Majesté? Dévouement? Mais ce sont des fidèles des cavaliers. Prenons bien garde aux sentinelles. Si quelqu'un nous voyait, tout serait compromis. Cromwell accompagne Sir Richard Willis. Je le crois. Le roi Charles a d'imprudents amis. Venir se dire ici nos affaires. Que diable! Conspirer chez Cromwell. L'audace est incroyable. Si quelque autre que moi les avait vus pourtant. Quoi? L'un des deux revient? Mais il est important de l'effrayer, qu'il sente à quel point il s'expose. Cachons-nous. Rochester va se cacher derrière un des piliers de la salle. Entre Cromwell. L'homme, hélas, propose et Dieu dispose. Je me croyais au port, calme, à l'abri des flots, et me voilà sondant une mer de complots. Me voilà de nouveau jouant au dé ma tête. Hé, courage! Affrontons la dernière tempête, frappons un dernier coup qui les glace l'effroi, brisons ce qui résiste. Il faut au peuple un roi. Voilà sur ma parole un ardent royaliste. Couvrons-les d'un filet, suivons-les à la piste. D'une chaîne invisible, environnons leurs pas, aveuglons-les, veillons, ils n'échapperont pas. Il proscrit à la fois Cromwell et sa famille? Qu'ils meurent tous. Quoi tous? Ah, grâce pour la fille. Que veux-tu donc, Cromwell? Dis, un trône? À quoi bon? Te nommes-tu Stuart, Plantagenet, Bourbon, toi, roi, fils du hasard? Il est décidément pour le droit des Stuarts. Un roi de parlement, pour degrer sous tes pas les corps de tes victimes. Est-ce ainsi que l'on monte au trône légitime? Comme il prête Cromwell. Eh bien, quand tu l'auras ce trône d'Angleterre et 10 autres, après, qu'en feras-tu? Sur quoi tombera ton envie? Ne faut-il pas un but à l'homme dans la vie, coupable, fou? Cromwell, oh, si tu l'entendais. Qu'est-ce un trône, d'ailleurs? Un tréteau sous un dais, quelques planches, où l'œil de la foule s'attache, changeant de nom selon l'étoffe qui les cache. Du velours, c'est le trône, un drap noir, l'échafaud. Un savant. Est-ce là, Cromwell, ce qu'il te faut? L'échafaud. Oui, d'horreur, ce seul mot me pénètre. J'ai la tête brûlante. Ouvrons cette fenêtre. Il s'approche de la croisée de Charles Ier. L'air libre, le soleil chasseront mon ennui. Il ne se gêne pas. On le dirait chez lui. Cromwell cherche à ouvrir la croisée. Elle résiste. On l'ouvre rarement, la serrure est rouillée. C'est du sang de Stuart, la fenêtre souillée. Oui, c'est de là qu'il prit son essor vers les cieux. Si j'étais roi, peut-être elle s'ouvrirait mieux. Pas dégoûté. S'il faut que tout crime s'expire, tremble, Cromwell. Ce fut un attentat impie. Jamais plus noble front n'orna le dé royal. Charles Ier fut juste et bon. Sujet loyal. Pouvais-je empêcher, moi, ces fureurs meurtrières? Mortification, veille, jeûne, prière pour sauver la victime, et je rien épargné. Mais son arrêt de mort au ciel était signé. Et par Cromwell aussi, qui, faussant la balance, pendant que tu priais, agissait en silence. Homme candide et pur. Que de fois ce palais m'a vu pleurer le sort du meilleur des Anglais. Brave homme, il m'attendrit. Il lève trop la voix. Il se ferait surprendre et ce serait dommage. À ses bons sentiments, je rends tout bas hommage. Mais pour les exprimer, l'endroit est mal choisi. Faisons-lui peur. L'ami, que faites-vous ici? À qui parle ce drôle? À vous! Que dit-il, drôle? J'ai donc bien l'air d'un saint. Tant mieux, jouons mon rôle. Savez-vous bien, bonhomme, où vous êtes? Et toi, sais-tu, Marot, à qui tu parles? Sur ma foi. Mordieu de jurons point. Je sais à qui je parle. Serait-ce un assassin ou gage du roi Charles? Il tire de sa poitrine un pistolet qu'il dirige sur Rochester. Coquin, n'approche pas! Diable, soyons prudents. Tous ces conspirateurs sont armés jusqu'aux dents. N'allons pas pour Cromwell me battre avec un frère. Monsieur, je ne veux point vous perdre. Hein? Au contraire, je venais vous donner un conseil. Dans ces lieux, vous teniez des discours par trop séditieux. Moi? Vous. Sortez, monsieur, ou j'appelle main forte. C'est un fou. Qu'es-tu donc pour parler de la sorte? Vous êtes, songez-y, chez Milord protecteur. Qui donc es-tu? Je suis son moindre serviteur, son chaplain. Tu mens d'une impudence étrange? Toi, mon chaplain? Dieu! Dieu, c'est Cromwell. Qu'entends-je? C'est Cromwell. Nous avons un traître parmi nous. Tu devrais devant moi te traîner à genoux, imposteur et honté. Milord, faites-moi grâce, Altesse. Lui dit-on Altesse ou Votre Grâce? Excusez-moi, l'erreur où je me suis commis vient d'un zèle trop chaud contre vos ennemis. Des mots mal entendus. Mais pourquoi ce mensonge? Mon dévouement pour vous réalisait un songe. J'ose en votre maison solliciter l'emploi de chaplain. Es-tu docteur de bonne aloi? Quel est ton nom? Oh, mon Dieu, ma maudite mémoire. Quel est mon nom de saint déjà? Je suis sans gloire. Ton nom? La source peut jaillir du fond du puits. Cette lettre, Milord, vous dira qui je suis. De qui? De Monsieur John Milton. Un très digne homme. Aveugle, et c'est dommage. Ainsi donc, on te nomme Obededom. Oh, tu Dieu, quel nom! Milord l'a dit. Obededom? Oh, d'avenant maudit de me donner un nom à faire fuir le diable, qu'on ne peut prononcer sans grimace effroyable. Vous portez un beau nom, Obededom de Jette reçut dans sa maison l'arche qui voyageait. Rendez-vous digne, ami, de ce nom mémorable. Va pour Obededom. Un saint considérable, Milton, clerc du conseil, se fait votre garant. Au fait, son dévouement pour moi me paraît grand. Son emportement même en était une preuve. Mais je dois et je veux vous soumettre à l'épreuve, vous faire sur la foi subir un examen avant de vous nommer mon chapelain. Amen. C'est le moment critique. Écoutez, par exemple, dans quel mois Salomon commença-t-il son temple ? Dans le mois de Zio, second de l'an sacré. Et quand l'acheva-t-il ? Au mois de Bulle. Taré n'eut-il pas trois enfants ? Où ? Dans Ur, en Chaldée. Qui viendra rajeunir la terre dégradée ? Les saints, qui les 1000 ans accomplis, régneront. Quels sont les animaux impurs ? Tous les hérons, l'autruche, le larus, l'ibis, exclu de l'arche, le butor, le cromwell, tous ceux qui volent et marchent. Un dernier mot. Est-il conforme au saint discours de porter les cheveux courts ou longs ? Courts, très courts. Tête ronde, jouis. Qui vous porte à conclure ? C'est une vanité que notre chevelure, par ses beaux longs cheveux, Absalom fut perdu. Oui, mais Samson fut mort quand Samson fut tondu. Diable. Pour éclaircir autant qu'il est possible un si grave sujet, je vais chercher ma Bible. Allons, je n'ai point mal soutenu cet assaut. Tout puritain qu'il est, le drôle des passeaux, je crains même Saint Paul. Quel est donc ce perfide confident de Cromwell et du chancelier Hyde ? Traître. Mais j'ai pourtant dupé le vieux démon. Comme il vous interroge en phrase de sermon, avec son œil cafard, comme il vous examine. Heureusement pour moi, j'ai bien mauvaise mine. J'ai l'air d'un franc coquin, d'un vrai tueur de roi. Il m'avait pris d'abord pour un larron, je crois. Mais demeurons prudents. Soignons notre grimace. Mais Lord Rochester aperçoit Richard qui vient à lui. Mais quoi ? Richard Cromwell ? Il faut que je m'y fasse. S'il me reconnaît, gare, ou la corde, ou le feu, le docte Obédédom y perdrait son hébreu. Il me semble avoir vu quelque part ce visage. L'ours flaire le faux mort. C'est sûr. Mauvais présage. Bonjour, monsieur. Milord, le ciel vous tienne en joie. Quel sourire infernal il attache à sa proie. Je suis un membre obscur du clergé militant. Je prierai Dieu pour vous. Je vous ai vu pourtant ailleurs non prier, mais jurer à pleine gorge. Vous vous trompez, Milord. Moi, jurer. Par Saint-Georges, par Saint-Paul. Moi ? Jurez que vous ne juriez point. Moi ? Tenez, révérend, soyons francs sur ce point. Diable. Vous n'êtes pas ce que vous semblez être. Sous le masque d'un saint, vous cachez l'œil d'un traître. Je suis perdu. Milord ! Est-ce vrai ? Pas. Je sais tout, mais tenez, ne me dénoncez pas. Comment ? J'allais lui faire une même prière. Que dit-il ? Je suis né d'humeur aventurière. J'ai des amis partout et j'ai bu ce matin avec des cavaliers comme vous, puritains. À quoi vous servira d'aller dire à mon père que son fils, avec eux, trinquait dans ce repaire ? Et pour un peu de vin, que même j'ai mal bu, me faire comme un bouc chassé de la tribu. Je suis sauvé. Je sais, l'ami, qu'en toute affaire, mon père aime à savoir ce qu'on peut dire et faire. Mais est-ce de complot que nous nous occupions ? Car vous êtes, mon cher, un des espions. Milord, c'est trop d'honneur que me fait votre grâce. De mon père quinteux, sauvez-moi la disgrâce. Promettez-moi, je suis de noble d'or pourvu, de taire au protecteur ce que vous avez vu ce matin. De grand cœur. Tenez, voici ma bourse. Je ne suis point ingrat. Bon, c'est une ressource. Quand on conspire, il faut être riche, vraiment. L'avarice est d'ailleurs dans mon déguisement. Milord est généreux. Ça, maître Obédédom, écoutez ce verset sur Dabir, roi d'Édom. Ah. Sortez ! Qu'a-t-il donc ? Comme il prend son air rogue, et comme le tyran succède au pédagogue. Cromwell s'approche de son fils, croise les bras et le regarde fixement. Mon père, mais d'où vient ce trouble inattendu ? Quel est sur votre front ce nuage épandu, Milord ? Où doit tomber la foudre qu'il recèle et dont l'éclair sinistre en vos yeux étincelle ? Qu'avez-vous ? Qu'a-t-on fait ? Parlez, que craignez-vous ? Qui peut vous attrister dans le bonheur de tous ? Qui vous manque ? L'Europe et l'Angleterre et Londres, votre famille, tout semble à vos voeux répondre. Si j'osais me nommer mon père et mon seigneur, je n'ai moi de soucis que pour votre bonheur, vos jours, votre santé. Mon fils, comment se porte le roi Charles Stuart ? Milord. Faites en sorte une autre fois de mieux choisir vos commensaux, monsieur. Milord, dût-on me couper en morceaux, je veux être plus vil que le pavé des rues si... Boit-on de bon vin, taverne des Trois Grues? Ah, l'espion damné d'avance avait tout dit. Je vous jure, milord! Vous semblez interdit. Est-ce un mal qu'assembler, étant d'humeur badine, quelques amis autour d'un broc de muscadine? Vous le buviez, mon fils, sans doute, à ma santé. C'est cela, toast maudit qu'à Charles j'ai porté. Milord, ce rendez-vous sur mon nom, sur mon âme, était fort innocent. Vous êtes un infâme! Avec des cavaliers, mon fils a ce matin bu sa part de mon sang dans un hideux festin. Mon père! Boire avec des païens que j'aborde à la santé de Charles? Un jour de jeûne encore! Je vous jure, Milord, que je n'en savais rien! Garde tes jurements pour ton roi Tyrien! Ne viens pas étaler, traître, sous mes yeux même ton parricide, encore aggravé de blasphème. Va, c'est un vin fatal qui troubla ta raison. À la santé du roi, tu buvais du poison. Ma vengeance veillait muette sur ton crime. Quoique tu sois mon fils, tu seras ma victime. L'arbre s'embrasera pour dévorer son fruit. Cromwell sort. Pour un verre de vin, voilà beaucoup de bruit. Mais boire un jour de jeûne devient sacrilège, traître, blasphémateur, parricide, que sais-je. Il vaut mieux sur ma foi, bien qu'un banquet soit doux, jeûner avec des saints que boire avec des fous. C'est une vérité qu'avant cette journée, ma pénétration n'aurait pas soupçonné. Mon père est hors de lui. Entre Lord Rochester. Richard paraît troublé. Ah, c'est mon espion. L'infâme avait parlé. Comme un renard d'Écosse, il faut que je le traque. Je te retrouve, traître. Allons, nouvelle attaque. Nous avions fait pourtant la paix. Qu'ai-je donc fait à Milord? Mais je crois qu'il me raille, en effet. Penses-tu me cacher encore ta perfidie? J'ai vu mon père, drôle. Il sait tout. Et tu dis ce que tu vas répondre. Oh, peste. Il est réel, oui, qu'un des nôtres sert d'espion à Cromwell. Saurait-on qui je suis? Je crois qu'il rit sous cap. Oh, Milord! Crois-tu donc que deux fois on m'échappe? Toute ta trahison est enfin mise à nu, mon père est furieux! Oui, je suis reconnu, décidément. Allons, faisons tête à l'orage. L'arche! Quittons la ruse et prenons le courage. Puisqu'enfin vous savez, monsieur Richard Cromwell, qui je suis, vous pouvez m'honorer d'un duel. Nous avons tous les deux des raisons à nous faire. Fixez l'heure, le lieu, l'arme. À vous, j'en défère. Je suis pour vous, je pense, un digne champion. Richard Cromwell se battre avec un espion. Moi qui t'avais payé me trahir en cachette, recevoir des deux mains et vendre qui t'achète. Que veut-il dire? Au moins rends l'argent. Oh, démon. J'ai déjà dépêché la bourse à Lord Ormond. Si je n'ai mon argent grâce à ma bonne lame, j'aurai ce que Satan t'a donné pour une âme. Allons, ma bourse! Il va me tuer par le ciel. Oh, bourse de malheur. Le comte de Carlisle paraît accompagné de 4 halbardiers. Richard Cromwell s'arrête. Le comte de Carlisle lui fait un profond salut. Milord Richard Cromwell, au nom du protecteur, rendez-moi votre épée. À châtier un traître, elle était occupée, vous venez un instant trop tôt. Heureux hasard! Des mains d'Antiochus, Dieu sauve les hasards. Quand son appartement, votre honneur se transporte, j'ai l'ordre de placer deux archers à la porte. C'est toi qui me conduis là par ta trahison! Je m'y perds. Quoi, c'est moi qui fais mettre en prison le fils du protecteur? Et menacé du glaive au courroux de son fils, c'est Cromwell qui m'enlève. Pourtant, je nuis au père. Il n'est rien fait au fils. Viendras-tu m'insulter encore de tes défis, lâche ? Méfiez-vous, cet homme a deux visages. Je ne m'en plaindrais pas si de ces vils messages, j'avais pu le payer comme je le voulais. Pour une double face, il faut 4 soufflets. Richard Cromwell sort entouré des halbardiers. Ce que c'est que porter masque de tête ronde. Paraît Urloé. Milord, appréciant votre docte faconde, vous nomme chapelain, monsieur, dans sa maison. Du matin et du soir, vous direz l'oraison, vous prêcherez un texte aux gardes de sa porte, vous bénirez les mets qu'à sa table on apporte, et l'hypocrase que boit son Altesse le soir. Bon, c'est là notre but. Voilà votre devoir. Turloé s'adresse alors à Carlisle en lui remettant un parchemin. Comte, un complot demain éclate à Westminster. Ils ne savent pas tout. Arrêtez, Rochester. Cherchez. Ormond, par moi prévenu tout à l'heure, Ormond a dû changer de nom et de demeure. Quant aux autres, il faut les surveiller de près. De même, ils viendront se jeter dans nos rangs. Leur plan sera trompé par notre stratagème. Cromwell sera par nous surpris cette nuit même, tout va bien. Poursuivons, quoiqu'à moitié trahis. Bravons pour nos Stuarts et pour notre pays. Dans ce rôle à la fois périlleux et risible, pistolet, coup d'épée et débat sur la Bible. De la peau du renard, chez les loups revêtus, soyons saints de hasard. Chapelain impromptu, prêt à tout examen comme à toute escarmouche. Tantôt Ézéchiel et tantôt Scaramouche. La chambre peinte à Whitehall. Un grand fauteuil doré exhaussé sur quelques marches couvertes de la tapisserie des gobelins envoyée par Mazarin. Un demi-cercle de tabourets en regard du fauteuil. Les quatre fous de Cromwell, Trick, Giraffe, Gramadoc et Hélespourou arrivent en gambadant. Frère, que dites-vous du nouveau chapelain qui vient de nous bénir d'un regard si malin? Peste! Diable! Ouais! Je vois que sur son compte, nous pensons tous de même. Ami, que je vous compte. Ce cher Obédédom, tout en tirant de l'arc, je l'ai vu qui rôdait près la porte du parc, qui parlait aux soldats de garde, sous prétexte de les édifier en leur prêchant un texte. Puis il les a fait boire, et puis il leur a donné de l'argent. Puis enfin, de tous environner, il a dit « À ce soir, pour entrer dans la place, Cologne et Whitehall sera le mot de passe. » C'est quelque agent de char. Ou plutôt de Cromwell, si j'en juge au propos qu'en son dépit cruel, vomissait contre lui le fils de notre maître, Richard, emprisonné sur des rapports du traître. C'est vrai. Richard, qu'on va condamner à présent, voulait tuer son père. C'est très amusant. Et moi, j'ai quelque chose encore de plus risible que tout cela. Vraiment? Sire Trick, pas possible. Trick montre un rouleau de parchemin noué d'un ruban rose. Voyez ceci. Cela, qu'est-ce? Ce parchemin des poches du docteur est tombé dans ma main. Bon, c'est quelques sermons bien noirs et bien effroyables. Commençons par enfer et finissons par diable. Donne. Instruisons-nous vite. Il faut que tout bouffon du jargon puritain fasse une étude à fond. Est-il moins fou que nous, ce chapelain morose? Il attache son foudre avec un ruban rose. Jette un coup d'œil sur le parchemin déployé et part d'un grand éclat de rire. Giraffe prend le parchemin et rit plus fort. Et les Scrooge, auxquels il le passe, se met à rire également et Trick les regarde tous trois rire en riant plus qu'eux. Par un diable joli, ce serment fut dicté. Qu'en dites-vous? Quatrain, ma divinité, belle égérie, hélas, vous embrasez mon âme. Vos yeux où Cupidon allume un feu vainqueur sont deux miroirs ardents qui concentrent la flamme dont les rayons brûlent mon cœur. Quoi? Ces vers sont tombés de poche puritaine? Le luron, c'est cela? Oui, la chose est certaine. Frère, vous connaissez tous Dame du Gligois, la duègne de Lady Francis. Certes. Eh bien, quoi? J'ai vu le chapelain lui parler à l'oreille, lui remettre une bourse. Et que disait la vieille? Elle disait, ce soir, vous serez beau garçon, seul avec elle. Et moi, j'ai chanté la chanson. La sorcière dit au pirate, beau capitaine, en vérité, non, je ne serai pas ingrate, et vous aurez votre beauté, beau capitaine, en vérité. Qu'est-ce que tout cela? Je ne sais, mais c'est drôle. Quand ce Cromwell, qui croit tout soumettre à son contrôle, ferait bien d'emprunter l'œil de ces quatre fous. Si nous l'avertissions. Quoi donc? L'avertir, nous? Es-tu fou, Gravadoc? Est-ce là notre affaire? Que sommes-nous pour Nol? Restons dans notre sphère. Il a raison, sans doute. Eh, chacun nos métiers. Il règne, nous rions. Qu'on le coupe en quartier, qu'on le brûle ou l'écorche, il n'a rien à nous dire, pourvu que nous ayons toujours le mot pour rire. Puis, ce faux chapelain, dans le fond, nous ressemble. Les fous, les amoureux, vont toujours bien ensemble. Le nom de Bonnet d'homme semble être fait ad hoc pour Trick et les Spourous, Giraffe et Gramadoc. Mais s'il conspire, ami, c'est nous qu'il faut défendre. Si le Stuart rentrait, il nous ferait tous pendre. Nous pendus? Innocents, soyez tranquilles tous. Que Charles II revienne, il lui faudra des fous. Nous sommes là. Peut-il trouver fous dans le monde ayant fait de leur art études plus profondes? Tels sont fous par instinct, nous par principe. Va toujours de tout désastre, un bouffon se sauva. Pour vieillir sur la terre où tout est de passage, il faut se faire fou, c'est encore le plus sage. Paraît Cromwell et sa suite. À son arrivée, les bouffons se prosternent en silence. Voici mes quatre fous. Ma foi, c'est le moment de nous distraire un peu. Milord, le Parlement dans la salle du trône attend. Eh, qu'il attende. Il porte l'humble adresse où le peuple demande que le protecteur daigne être roi. C'est donc fait qu'ils sont plats. Je pourrais les entendre, en effet, mais après mon conseil. Puis il faut que je voie les chevaux gris grisons que le Holstein m'envoie. Amuse-les, mon cher. Nourris leurs ailes ardents. Dis-leur de discuter un texte en m'attendant. Dans le livre des rois, par exemple. Entends-je. Oh, Charles. Oh, roi martyr. Comme Olivier te venge. Quel fouet honteux succède à ton sceptre éclatant. Puisque nous voilà seuls, je veux rire un instant. Docteur, ce sont mes fous. Et je vous les présente. Quand nous sommes en joie, ils sont d'humeur plaisante. Nous faisons tous des vers. Il n'est pas même ici jusqu'à mon vieux Milton, qui le s'en mêle aussi. Vieux Milton, dites-vous. Milord, ne vous déplaise, j'ai bien 9 ans de moins que vous-même. À votre aise. Oui, vous êtes Milord de 99, moi de 1608. Le souvenir est neuf. Vous pourriez me traiter de façon plus civile. Je suis fils d'un notaire, alderman de sa ville. Là, ne vous fâchez pas. Je sais aussi fort bien que vous êtes, Milton, grand théologien et même, mais le ciel compte ce qu'il nous donne, bon poète, au-dessus de Wither et de Don, je le sais. Ça, messieurs, voyons, il faut qu'on rie. Bouffon, trouvez-moi donc quelques plaisanteries. Trick, fais-nous apporter de la bière, une pipe. Ah, Milord veut fumer ? Trick sort et rentre un moment après, suivi de 2 valets portant une table chargée de pipes et de brocs. J'entends qu'on me dissipe, je veux être un peu gai. Quoi ? Trahi par mon fils. Cromwell paraît livré à de douloureuses pensées. Les assistants se tiennent en silence, les yeux baissés. Entre le comte de Carlisle. Au diable, Lord Carlisle, il vient nous déranger. Oh. Cromwell entraîne précipitamment Lord Carlisle. Tous s'éloignent, mais sans les quitter des yeux. Lord Ormond. Milord, il vient de déloger. Rochester. On a pu le trouver, il se cache. Richard. À tout nier, sans pudeur, il s'attache. La question pourrait obtenir quelque aveu. Votre tête répond de son dernier cheveu, Carlisle. Vous savez mon horreur des supplices. La torture à mon fils. C'est bon pour ses complices. Lambert. Il se retranche à sa maison des champs, bien gardé, s'occupant de ses fleurs. Soin touchant. Tout m'échappe. Du moins, je tiens bien la couronne. Autour de Westminster, que la foule environne, le peuple et les soldats maudissent hautement le nom de roi, voté pour vous en parlement. Pesez vos mots, Milord. Votre Altesse m'excuse. Tout va mal. Et je pars, messieurs, dis qu'on s'amuse, à quoi songez-vous donc ? M'écoute, valet. Milord, doublez la garde autour de ce palais. Le conseil privé. Bon. C'est pour l'objet. Je sais, qu'il entre. Baladin, cédons la place au mage. À un geste de Cromwell, sortent les bouffons. Lord Rochester, Hannibal Sestid, et 2 valets en portant la table chargée de brocs, de bière et de pipes. Turloé introduit le conseil privé qui s'avance sur 2 files et dont chaque membre se place debout devant un tabouret en fer à cheval, tandis que Cromwell monte à son grand fauteuil et que Milton, toujours conduit par son page, s'approche du pliant et de la table. Whitlock et Lord Carlisle prennent leurs places respectives autour du protecteur sur les marches de son estrade. Chacun de ces personnages est revêtu du costume particulier de sa charge ou de sa commission. Cromwell s'assied, se couvre. Tous s'asseyent, mais restent découverts. Ah, de tous ces oiseaux subissons les ramages. Messieurs les conseillers de mon gouvernement, prenez séance, tous, et prions un moment. Cromwell s'agenouille. Tous les conseillers en font autant. Après quelques instants de méditation, le protecteur se relève et s'assied. Tous suivent son exemple. Messieurs, pour gouverner, j'ai bien peu de mérite, mais le Seigneur, qu'enfin ma résistance irrite, inspire au Parlement d'agrandir mon devoir en m'accablant encore d'un surcroît de pouvoir. C'est pourquoi j'ai donné l'ordre qu'on vous assemble afin de conférer et de parler ensemble. S'y est-il d'élire un roi d'abord ? Dois-je être élu ? Donnez sur ces deux points votre avis absolu, que chacun à son rang expose son système. Je parle franchement, expliquez-vous de même. Le comte de Warwick est le plus éminent d'entre vous, qu'il commence. Écoutez maintenant, monsieur Hamilton. Milord, rien n'égale sur terre votre foi, votre esprit, votre haut caractère. Et pour accroître encore votre éclat personnel, vous tenez des Warwick du côté maternel. Votre noble écusson porte le même home. Or, comme il faut toujours un roi dans un royaume, votre Altesse vaut mieux qu'un maître de hasard. Certes, un riche peut régner aussi bien qu'un stuart. Il n'est que d'être heureux pour grossir sa famille. Cromwell obscur n'est rien, que sur un trône il brille. Les riches sont ses aïeux, ses cousins, ses parents. Oui, ce sont mes aïeux depuis bientôt 4 ans. Hélas, serait-il fier de m'avoir pour enfant? Vous, Carlyle. Milord, votre front triomphant est fait pour la couronne. La Broghill. Milord, j'ose réclamer le secret pour ce que je propose. De ce complot dormant, je suis tout étourdi. Que mon rôle est timide dans ce drame hardi. Conseiller de Cromwell et confident de Charles. Traître si je me tais. Et traître si je parle. Pour quel motif ? Milord, une raison d'État. Cromwell lui fait signe d'approcher. Ne se pourrait-il point qu'avec Charles on traitât si vous lui proposiez la main de votre fille ? C'est fou, Broghill ! Monsieur Lenthal. Milord, le Parlement préside la nation en qui la royauté réside. Il commande aux petits comme aux plus élevés. Si donc le Parlement vous fait roi, vous devez, selon le droit romain, suivant le décalogue, obéir et régner. Courtisan démagogue. Il se laissera faire et j'espère qu'alors il ne m'oubliera point pour la Chambre des Lords. Milord, le Parlement attend toujours. Silence. Mais... Avant d'accepter, il sied que je balance. Ah, Milord, refusez. Pour vous, pour votre honneur, j'ose... Allez tous prier. Et chercher le Seigneur. Tous sortent lentement et comme en procession. Milton, qui marche le dernier, s'arrête sur le seuil de la porte, les laisse partir et ramène son guide vers Cromwell qui, descendu de son fauteuil, s'est placé sur le devant du théâtre. Non, je n'y puis tenir. Il faut ouvrir mon âme. Regarde-moi, Cromwell. Déjà ton œil s'enflamme, sans doute. Et tu diras de quel front j'ose ici te parler. Sans avoir obtenu ta merci. Car ma place est étrange en ton conseil de sage. Si quelqu'un me cherchait parmi tous ces visages, voyez ces orateurs choisis, lui dira-t-on. C'est Warwick, c'est Pierrepont. Ce muet, c'est Milton. On a Milton, qu'en faire? Un muet, c'est son rôle. Ainsi moi, dont le monde entendra la parole, au conseil de Cromwell, seul, je n'ai pas de voix. Mais... aveugle et muet, c'est trop pour cette fois. On te perd à l'appât d'un fatal diadème, frère, et je viens plaider pour toi, contre toi-même. Tu veux donc être roi, Cromwell, et dans ton cœur, tu t'es dit, c'est pour moi que le peuple est vainqueur. Ne règne pas sur lui, sauve sa liberté. Ah, combien a rougi ce peuple en sa fierté. Quand dans ce parlement il a vu ton génie, mendier à prix d'or d'un peu de tyrannie, démon tes vils flatteurs, montre-toi noble et grand juge, législateur, apôtre, conquérant, sois plus que roi, remonte à ta hauteur première. Il n'a fallu qu'un mot pour créer la lumière, toi, redevient Cromwell à la voix de Milton. Milton se jette aux pieds de Cromwell. Cromwell le relève avec un geste dédaigneux. Le bonhomme le prend sur un singulier ton. Ça, maître John Milton, secrétaire interprète près le Conseil d'État, vous êtes trop poète. Vous avez dans l'ardeur d'un lyrique transport oublié qu'on me dit « Votre Altesse » et « Milord ». Mon humilité souffre à ce titre frivole, mais le peuple qui règne et pour qui je m'immole, à mon bien grand regret, veut qu'il en soit ainsi. Je me suis résigné. Résignez-vous aussi. Milton se lève fièrement et sort. Au fond, il a raison. Oui, mais il m'importune. Charles Ier, mais non, tu vois mal ma fortune. Les rois comme Olivier n'ont point de tels trépas, Milton. On les poignarde, on ne les juge pas. J'y songerai pourtant. Sinistre alternative. Ah, Francis, on dirait qu'à mes mots attentives, rayonnantes, elle vient charmer mes noirs ennuis, comme un jeune astre éclos dans les profondes nuits. Viens, ma fille, toujours ange à figure humaine, près de moi quand je souffre, un instinct te ramène. Je suis toujours heureux lorsque je te revois. Ton œil vif et brillant, ta pure et douce voix ont un charme pour moi qui me rend ma jeunesse. Viens, enfant, que ton père à tes côtés renaisse. Toi seul ici du monde ignore les noirceurs. Embrasse-moi. Je t'aime avant toutes tes sœurs. De grâce, dites-moi, serait-il vrai, mon père? Vous relevez le trône. On le dit. Jour prospère. L'Angleterre, Milord, vous devra son bonheur. Ce fut toujours mon but. Ah, mon père et seigneur, que votre bonne sœur, Milord, sera contente. Nous allons donc revoir, après 8 ans d'attente, notre Charles Stuart. Quoi? Que vous êtes bon. Ce n'est pas un Stuart. Quoi donc? Est-ce un Bourbon? Mais ils n'ont pas de droit au trône d'Angleterre. Je le pense de même. Au sceptre héréditaire qui donc ose toucher. Que répondre en effet? Mon nom me pèse à dire et me semble un forfait. Ma Francis, d'autres t'en veulent une autre race. N'auriez-vous pu penser pour remplir cette place... À qui donc? Par exemple, à ton père? À Cromwell? Si je l'avais pensé, me punisse le ciel. Hélas. Mon père, moi, vous faire cette injure, vous croire usurpateur, sacrilège, parjure. Ma fille, vous jugez trop bien de ma vertu. D'un pouvoir passager, vous êtes revêtu, c'est un malheur des temps dont vous souffrez vous-même. Mais vous, du roi martyr prendre le diadème, vous joindre à ces bourreaux régnés par son trépas, or... Sais-tu qui causa sa mort? Je ne sais pas, toute jeune, élevée en une solitude, j'ai souffert de nos maux sans en faire une étude. On ne te lut jamais dans le procès du roi la liste de la cour, des juges, de ceux... Quoi? Des régicides? Oui, Francis, des régicides. Personne ne m'a dit quels étaient ces perfides. Je maudissais leurs crimes et j'ignorais leurs noms. On ne parlait point d'eux au lieu d'où nous venons. Ma sœur ne vous parlait jamais de moi? Mon père, qui dit cela? J'appris à vous aimer. J'espère, oui. Mais tu hais donc bien ces sujets si hardis qui condamnèrent Charles? Ah, qu'ils soient tous maudits. Tous? Oui, tous. Quoi frappé dans ma propre famille? Quoi trahi par mon fils et maudit par ma fille? Que chacun d'eux ressemble à Caïn, le banni. Implacable innocence. On me croit impuni. Ma fille, la plus chère et la dernière née, semble une conscience à mes pas acharnés. La candeur d'une enfant, son œil naïf, sa voix, font trembler ce Cromwell, l'épouvante des rois. Ange heureux, que mon sort ne touche pas au sien. Il le faut, soyons rois sans qu'elle en sache rien. Conserve ce cœur pur. Je t'aime ainsi, ma fille. Cromwell sort. Qu'a-t-il? C'est dans ses yeux une larme qui brille. Bon père, il m'aime tant. Entre Dame Gugligois et Rochester. Elle est seule. Venez. Que d'attributs le diable aux doublons a donné. Tentons l'occasion. Lord Rochester s'avance vers Lady Francis qui ne le voit pas. Dame Gugligois regarde une bourse qu'elle cache dans sa main. Assez ronde est la somme. Il est vraiment joli, ce jeune gentilhomme. Se déguiser ainsi, tout bravé, par amour. À cet âge, ils sont fous. Hélas, chacun son tour. Oui, c'est ainsi qu'eût fait Sir Amadis de Gaulle. Pourtant, dois-je permettre? Est-ce bien là mon rôle? Et puis, ce chevalier n'a pas un mot pour moi. De l'argent, voilà tout. Monsieur, un instant. Quoi? Un instant. Quoi? N'a-t-on plus rien à me dire? La bourse était lourde et doit pourtant suffire. Pourvu qu'il n'aille pas m'humilier encore avec ses doublons. Diable! Allons, j'en ai plus d'or, plus le sou. Prenons la parle faible des vieilles et de quelque douceur chatouillons ses oreilles. Vos yeux auraient rendu madame en leur bel âge, Galaor infidèle, esplendiant volage. C'est suffocant. Vraiment, dirait-on pas qu'il m'aime? Je ne veux qu'un mari qui me parle de même. Elle veut un mari, je plaindrais celui-là. Mais pour être flattée, elle va rester là. Oh, la vieille têtue et qui n'aurait des mules qu'en Espagne, pays des duègnes et des mules. Quel moyen prendre au ciel pour m'en débarrasser? Laissez-moi deux instants avec Francis causer. Après cet entretien, mon cher bouton de rose, ma foi de chevalier vous promet quelque chose, oui, quelque chose dont vous ne doutez pas. Une entrée à Bedlam. Soit, je reste à deux pas. Soyez enfin discret. Surtout, quoi qu'il arrive, ne me nommez jamais, on me brûlerait vive. Soyez tranquille. Allez vous promener un peu. Certes, elle a les os secs à faire un très bon feu. M'en voilà délivré. Hasardons l'aventure. Que de grâce et d'attrait, divine créature. Miss? Milady? Monsieur? Son regard m'interdit. Ah, c'est le chaplain. Accoutrement maudit. J'ai beau prendre les airs les plus coquets du monde, elle ne voit en moi qu'un pédant tête ronde. Saint homme, donnez-moi la bénédiction. Quel texte m'allez-vous prêcher? La passion. J'ai le cœur bien touché du zèle qui vous presse. Vous voyez devant vous une humble pécheresse, mon père. Son père? Oh, n'ai-je rien de suspect? Ma fille, écoutez-moi. J'écoute avec respect. Suis-je assez malheureux d'avoir l'air respectable? Ma fille, écoutez-moi, ce n'est pas charitable d'épandre autour de vous des ravages affreux. Moi? L'un de vos regards seuls fait 100 malheureux. Vous vous trompez? Oh non! Mais quels sont donc mes crimes? Vous avez sous les yeux une de vos victimes. Oh, rendez-moi la vie. Il a la fièvre chaude. Voilà 4 ans bientôt qu'autour de vous je rôde. Menton, cela fait bien. Que voulez-vous? Mourir! Vos yeux qui m'ont blessé me pourraient seuls guérir. Il me fait vraiment peur. C'est flatteur. Oh, ma reine, mon tout, ma déité, ma nymphe, ma sirène. Qu'est-ce que tous ces noms? Je m'appelle Francis. Oh, princesse! Pour vous, je brûle et je transis. Sous ce déguisement, l'amour vers vous me guide. Je suis un chevalier, non pas un druide. Je vais aller mourir de l'amour qui m'oppresse. Mais non, dites un mot, ma charmante digresse. Un mot, et vous serez pour votre heureux sujet du plus constant amour, le plus céleste objet. Que dit-il donc? Ou plutôt, suivez votre dessein, oui. Prenez cette épée et percez-moi le sein. Point d'épée. Oh, comment faire avec ce costume semblant de se tuer comme c'est la coutume? Le moyen de poursuivre un entretien galant. Mais à défaut du fer, le quatrain. Excellent. Si je ne la fléchis, je veux que Dieu me damne. Écoutez votre esclave, oh divine mandane. Il lui présente un parchemin roulé noué d'un ruban rose. Ce papier de mon cœur vous fera le tableau. Il eût été détruit par la flamme ou par l'eau si mon feu n'eût séché mes pleurs. Et si, madame, mes larmes à leur tour n'eussent éteint ma flamme. Prenez, lisez, jugez de mon amour ardent. Je vous comprends, monsieur. Vous êtes impudent. Vous osez chez mon père ainsi vous introduire. La petite n'est pas très facile à séduire. Levez-vous ou j'appelle. Oh, je reste à vos pieds. Vos insolents propos seraient trop expiés si... Par quel hasard, maître aux genoux de ma fille. Dieu, Cromwell, je suis mort. Pour une peccadille, c'est dur d'être pendu. Prise en flagrant délit. Il n'aura pas pour moi de châtiment trop grand. Or bien, mon chapelain. Il faut de l'indulgence. C'est un fou. Vous avez compté sans ma vengeance. Mon père le tuerait, le pauvre malheureux. Ce drôle de ma fille, il ose être amoureux. Et mon Ève écoute à sa langue de vipère. Quoi, Francis, vous souffrez? Pardonnez-moi, mon père. Milord, ce n'est pas moi dont monsieur me parlait. De qui vous parlait-il à genoux, s'il vous plaît? Monsieur, qui m'implorait de couronner ses flammes, me demandait la main de l'une de mes femmes. Que dit-elle? Et de qui? De dame Gugligoua. Oh, la traîtresse! Alors, c'est autre chose. Quoi, la duègne ou la potence? En cette crise extrême, que ne me laissait-elle au moins choisir moi-même? Pourquoi ne point parler tout de suite, mon cher? Puisqu'il vous reste encore des penchants pour la chair. Chair? Une peau collée à des os, faits en duègne? On vous satisfera. Je hais que l'on me craigne. Je suis content de vous, je pourrais vous donner votre belle. Oh, ma belle, un vieux spectre à damner. Un corps à rebuter les bêtes carnassières. Une figure à faire avorter les sorcières. Je lui croyais d'avoir meilleur goût. Oui, je veux vous marier. Milord est trop bon. Tous vos voeux seront comblés. Oh. Entre, dame Gugligoua. Le père et nos amants ensemble, tout est perdu. C'est vous, bonne dame? Je tremble. On vous réclame ici. Moi, Milord? Vous saviez l'amour du chapelain? Grand Dieu! Vous l'approuviez? Je savais. J'approuvais. Moi? Milord! Je vous jure! Mais il m'a donc trahi. Oh, le petit parjure. Il est aisé de voir à son air consterné qu'un malheur. Je sais tout. Je l'avais deviné. Oh, la transition est imprévue et rude. Grâce pour moi, Milord, grâce. Elle fait la prude. Ça, maître Bédédom est de nos bons amis et n'a rien dans le cœur qui ne soit très permis. Peut-il donc aspirer à la beauté qu'il aime? Qu'aime-t-il de si haut déjà? Vous? Moi? Vous-même? Demandez-lui plutôt. N'est-il pas vrai? Parlez. Je conviens que... C'est pour moi, vraiment, que vous brûlez? Oui, si j'étais l'enfer. Madame... Allons, mon maître, laissez dans tout son feu votre amour apparaître, je le permets. Comptez à dame Gugligoua qu'à ma fille à genoux vous la demandiez. Moi? C'est donc pour cela? Mais c'est chose abominable, sans mon aveu. Je suis sans doute impardonnable. Mon honneur, quel affront, concupiscence infâme. Apaisez-la donc, vous la vouliez pour femme. Oh, consentez, vieux cuir dans les sabbats roussis. Je m'exécute. Elle lui tend une main noire qu'il prend avec dégoût. Et moi je m'exécute aussi. Je suis bonne et consent que l'insolent m'embrasse. Une faveur, je veux la potence et ma grâce. Je vous permets encore l'autre jour. Ah, merci. Vous me boudez? Eh non. Mais le scandale ici, il faut vous marier. Ça, terminons l'affaire. Oh. Votre bonheur n'est pas de ce que l'on diffère. Je vais vous contenter tous les deux sur le champ. Mais... L'amour est pressé, je le sais, c'est touchant. Hé, hey, quelqu'un! Entre trois mousquetaires. Qui croirait que je suis à la noce? Dis à Cambiblecan, l'un des voyants d'Écosse, qu'il marie à l'instant sur le livre de foi Messire Obededom et Dame Gugligoua. Suivez-les. Comme vous, Cam est anabaptiste. Charmante attention. Je vous sais dogmatiste. Comme il est attrapé. Quel tour m'a joué là cette Francis. Je l'aime encore comme cela. De ruse et de candeur, j'adore ce mélange, sa malice d'enfant jointe à sa bonté d'ange. M'arracher à son père, à sa duègne m'unir, trouver en me sauvant moyen de me punir. Venez donc, mon amour, vous restez immobile. Dans l'enfer de l'hymen, suivons cette sibylle. Lord Rochester sort avec dame Gugligoua et les mousquetaires. Je vous laisse. Je vais écouter un sermon de Lockyer sur Rome et les prêtres d'Ammon. Mon pauvre chevalier faisait triste figure. Oui, la punition est peut-être un peu dure. Se marier ainsi, sans trop savoir pourquoi, et tourner ses yeux doux sur dame Gugligoua. C'est mal, je me repens. Mais pouvais-je mieux faire? Certes, mon père encore eût été plus sévère. Lady Francis aperçoit le parchemin roulé qui est resté à terre. Mais voilà son billet. Que m'écrivait-il donc? Je ne le lirai point. Elle regarde le parchemin d'un œil d'envie et de curiosité. Mais quoi, pas de pardon, pas de pitié? Voyons, je le lirai. Qu'importe. Sauf à le replacer ensuite de la sorte. Je lui dois de le lire. Il est assez puni. Elle se précipite sur le parchemin, le dénoue et le déroule. Lirai-je? Est-ce mal faire? Et non, tout est fini d'ailleurs. Lisons. Milord. Milord? Quel homme étrange! Il m'appelait princesse, objet, nymphe, reine, ange, il m'appelle à présent Milord. Fou. Tout va bien. Il écrit comme il parle, à n'y comprendre rien. Tout va bien, quoi? Suivons. Ce soir, à minuit même, à la porte du parc, présentez-vous. Il m'aime. Voulait-il m'enlever? Tout le poste est séduit. C'est cela. L'insolent doutait d'être éconduit. Le mot d'ordre est donné. Succès sûr. Trop modeste. Vous leur direz Cologne. Ils répondront le reste. Moins clair. Vous pourrez, grâce à leur concours ami, saisir enfin Cromwell par mes soins endormis. Le chapelain du diable? Ah! Que viens-je de lire? Sur mes yeux effrayés, quel bandeau se déchire! C'est à mon père seul qu'en veut ce scélérat! Voici l'adresse. À Blom, au Strand, hôtel du Rat. Le traître m'a remis ce billet par méprise. Avertissons mon père. Infernale entreprise! On vient. Hâtons-nous. C'est peut-être l'assassin. Entre d'avenant. Lady Francis s'enfuit précipitamment en portant le parchemin. Le protecteur me fait venir. Pour quel dessein? Bon, rien d'inquiétant, curiosité pure. D'Avenant aperçoit Rochester qui entre. Et quel est ce cafard? Dieu, la bonne figure. Un saint. Quelque hurleur puritain. Maintenant c'est donc fait. Me voilà marié. D'Avenant. Il sait mon nom. Monsieur, mais je crois reconnaître Milord Rochester. Vous vous masquez mon maître. Fussiez-vous marié, votre femme vraiment ne vous reconnaîtrait sous ses déguisements. Hélas. Rassurez-vous, Cromwell a cet usage de me demander toujours au retour d'un voyage. Comment vous trouvez-vous avec lui? Moi? Très bien. Protégé par Milton, Cromwell me veut du bien. Et de mille faveurs me comble à sa manière. Je l'aurais dispensé même de la dernière. Au reste, vous savez, je suis à temps venu. Un traître dans nos rangs, espion inconnu, lui disait tout. Mais grâce à mon adresse extrême, Ormond se cache au Strand et moi, chez Cromwell même. Lâche espion. Willy, si vous voulez l'écorcher. C'est lui que nous avons chargé de le chercher. Par bonheur, nous tenions au prêtre la contre-mine. J'ai votre fiole ici. Ce soir, tout se termine. Cromwell ne sait donc rien de ce complot hardi? Non, nous n'étions que trois quand nous l'avons ourdi. La garde est subornée? Oui. C'était difficile. L'esprit puritain meurt. L'or rend un saint docile. Noll n'a pas de soupçon sur moi, vous croyez? Non. Vous seriez arrêté s'il savait votre nom. Eh bien, monsieur, déjà fuyez-vous votre amante? À qui donc en veut-elle? Hélas! Je me lamente, j'appelle, je languis, je pleure, je me meurs. Je pousse à fondre un roc de dolentes clameurs et vous ne venez pas. Oh, pauvre délaissé. Quoi, déjà votre ardeur est-elle donc passée? Voyez mes pleurs, voyez. Mon cœur, oh non, se fond. Oh, l'horrible grimace, est-ce triste ou bouffon? Qu'en dites-vous? Quel est ce spectre? C'est ma femme. Votre femme? Oui, d'honneur. Vite un épithalame, mon poète. Milord veut rire. Non, pardieu, rien n'est moins drôle. Traître! Et vos serments de feu? La maîtresse en son genre est vraiment peu commune. Je vous fais compliment de la bonne fortune. Bonne fortune? C'est ma femme et rien de plus. Vous me faites affront. Mes pleurs sont superflus. Il ne m'écoute pas. Je crois qu'elle leur a dot, expliquez-moi. Cromwell me la donne. Il la dote, le tout par bonté. Quoi, mon cher mari? Comment? Vous qui me prodiguiez tant de propos charmants, me chassez sans pitié hors du lit conjugal. Madame, restez-y, cela m'est fort égal. C'est moi seul que j'en veux chasser. Oh! Quel outrage! Serpent, monstre, perfide, aspic, tiens, crâne, mage! Ah, mon Dieu! Quelle glace à tes flammes succède? Pourquoi me fuir? Quel est le démon qui t'obsède? Vous me le demandez? Près de moi, viens t'asseoir! Je m'attache à toi! Ciel, que ferais-je ce soir? Ingrat! Villemot est fou. Quelle est cette algarade? Avec la tragédie, unir la mascarade? Cromwell entre le parchemin de Rochester à la main, sans voir d'avenant et sans en être vu. Encore un nouveau piège où j'ai failli tomber. Dans mon propre palais, il m'allait dérober. À force de folie, il triomphait peut-être. Sans ma fille, une enfant, les rois perdaient leur maître. Insolent, sans combattre à la face du ciel, venir dans Londres même escamoter Cromwell. Comment prévoir ce coup d'audace et de délire, à moins d'être insensé comme eux? J'ai beau relire ce billet, je n'y vois qu'un avis imparfait. Heureusement pour moi qu'ils sont fous tout à fait. Là, courtiser la fille en détrônant le père, tendre un piège au lion jusque dans son repaire et jouer sous sa griffe avec ses lionceaux. S'ils n'étaient pas si fous, on les croirait plus sots. Le chapelain du diable. Ah, tête à double face. Donc cet Obédédom n'est un saint qu'en grimace. Quel est-il? C'est un chef des maudits cavaliers. Qui? Wilmot Rochester ou Buckingham Villiers? Galant avec Francis, près de moi bon apôtre, ce doit être Wilmot ou Villiers, l'un ou l'autre. Mes soldats sont séduits. Je ne suis plus aimé. Nous verrons. J'ai déjà mon projet tout formé. Seulement, à la pas pour mieux les faire mordre, j'ai regret de n'avoir que moitié du mot d'ordre. Enfin, j'attends Ormond et les épiscopaux. D'Avenant aperçoit Cromwell. C'est Cromwell. Milord. Bon, vous venez à propos, monsieur d'Avenant. Prêt à servir son Altesse. Logez-vous pas toujours chez votre même hôtesse à la sirène? Oui, Milord. C'est un bon lieu. Comment vous portez-vous avec l'aide de Dieu? Fort bien. Vous avez fait sans doute un bon voyage. En êtes-vous content? Oui, Milord. Vers bien. Vous aviez quelques buts pour vous être absenté. D'affaires? De plaisir? De santé. De santé? Je doute qu'elle soit par ses courses meilleure. C'est très bien fait, parfois, de quitter sa demeure et de prendre un peu l'air. Qu'avez-vous visité? Mais le nord de la France. Oh, c'est bien limité. On dit les bords du Rhin fort beaux. Toute ma vie, j'ai de les parcourir conservé quelque envie. Les avez-vous vus? Oui. Je vous approuve fort. Et sans doute aussi Trèves et Mayence et Francfort. Cologne. Avec son air affable, il m'épouvante. Oui, Milord. Ah, Cologne. Une ville savante, pour un esprit lettré, séjour intéressant, n'est-ce pas? Vous aurez été voir en passant... Dieu saurait-il? Moi, rien, quoi voir? La cathédrale. On admire surtout la porte latérale, l'avez-vous vue? Il n'est instruit de rien du tout. Oui, Milord, mais l'ensemble est d'assez mauvais goût. Mauvais goût, c'est bien facile à dire. C'est un bel édifice et qui vaut qu'on l'admire. Rien de déparerait ce temple, quoique ancien, s'il n'était pas souillé du culte égyptien. Et vous n'avez rien vu de plus dans cette ville? Non, Milord. Pas rendu de visite civile? Par exemple, à certains Stuart? Coup pas prévu. Je vous jure, Milord, que je ne l'ai point vu. Je sais à leur serment les papistes fidèles. Mais dites-moi, qui donc éteignit les chandelles? N'est-ce pas Lord Mulgrave? Il sait tout. Je vous crois, je sais que vous n'avez d'honneur pas vu le roi. Vous avez un chapeau de forme singulière. Excusez ma façon peut-être familière. Vous plairait-il, monsieur, le changer pour le bien? Je suis trahi. Milord. Cromwell lui arrache son chapeau. Donnez, merci. Cromwell fouille précipitamment dans le chapeau et en tire la dépêche royale qu'il déploie et lit avec avidité. Fort bien. Le chapelain du diable est Rochester. La chose est fort bien arrangée. À merveille. On suppose qu'il n'est point malaisé de me fermer les yeux. On me trompe, on m'endort, on me prend. C'est au mieux. Rien ne doit égaler vos tragicomédies si vos pièces, monsieur, valent vos perfidies. À Turloé qui entre. Turloé, que monsieur soit conduit à la tour. Turloé sort et revient accompagné de 6 mousquetaires puritains au milieu desquels d'avenants consternés se placent sans résistance. Charles vous a coiffé, je vous loge à mon tour. Le ciel vous tienne en joie. Oh, dénouement sinistre. D'Avenant sort avec les gardes. Milord, le Parlement, auquel un saint ministre a fait, selon notre ordre, une exhortation, apporte divers billes à votre sanction, notamment l'humble adresse ou loi qui vous confère la couronne. Qu'il entre. Ah, ténébreuse affaire. Par leur propre artifice, il faut qu'ils soient perdus. Je veux les prendre eux-mêmes aux raies qu'ils m'ont tendues. Cromwell regarde tour à tour le parchemin de Rochester et le message de D'Avenant. Maintenant, je tiens tout dans ma main. Il ne reste qu'à tout écraser. Dieu, pour moi, se manifeste. Ah, c'est le Parlement. Le Parlement, conduit par Turloé, entre en habit de cérémonie. À la tête des membres marche l'orateur en robe, suivi des clercs du Parlement, précédé des sergents de la chambre, des massiers portant leurs masses et de l'huissier à la verge noire. Cromwell monte à son fauteuil protectoral et le Parlement s'arrête gravement à quelques pas de lui en dehors de la limite des tabourets. Sur un signe de Cromwell, Carlyle et Turloé s'approchent du protecteur. Lord Carlyle, arrêtez à l'instant les soldats pour cette nuit postés à la grille du parc. Lord Carlyle s'incline et sort. Cromwell parle bas à Turloé en lui remettant le parchemin de Rochester. Porte ceci sur l'heure à Blom, au Strand. Ici, tu verras sa demeure. Ou, pour que mes desseins soient encore mieux remplis, pour messager plutôt, prends Sir Richard Willis. Va. Milord, il suffit. Ce nom de Blom me voile le vieil Ormond que va me livrer mon étoile. Il s'assied et se couvre. Ah. Nous vous écoutons, messieurs, présentement. Milord, nous vous portons les billes du Parlement. Votre Altesse verra dans ce qu'il lui propose à quel point nous aimons la bonne vieille cause. Daignez sanctionner nos lois. Nous allons voir. Ça, clerc du Parlement, faites votre devoir. La Chambre, afin d'emplir les caisses épuisées, en tant que chaque Anglais, dans ses fautes passées, cherchant à racheter quelque énorme attentat, jeûne un jour par semaine au profit de l'État. Moyen rare et conforme aux saintes ordonnances de faire son salut en aidant les finances. C'est bien, nous consentons. L'humble pétition ou suppliante adresse aux héros de Sion. Ayant considéré qu'il est d'usage antique de clore par un roi tout débat domestique, que Dieu même, à son peuple ayant donné ses lois, changea sa chair en trône et les juges en rois. Oui, les orateurs présentés pour et contre. À Milord protecteur, le Parlement remontre qu'il faut pour chef au peuple un seul individu à qui des anciens rois le titre soit rendu et supplie Olivier, protecteur d'Angleterre, d'accepter la couronne à titre héréditaire. Nous examinerons. Qu'entends-je ? Que dit-il ? Il refuse. Il hésite. Il craint quelque péril. Il le faut. Différons. Aux cavaliers en butte, rendons les puritains neutres dans cette lutte. Et ne nous mettons point dans ce double embarras, deux épines aux pieds, deux fardeaux sur les bras. Trompons d'abord les raies dont Ormond m'environne. J'aurai toujours le temps de saisir la couronne. Calmons les puritains en fuyant cet honneur. Allez en paix. Cherchons la grâce du Seigneur. Tous, excepté Turloé, sortent avec de profondes révérences et des signes d'étonnement. Quelque chose est ici changé depuis une heure. C'est bon, jusqu'à demain que ce refus est l'heure. Tous deux restent un moment immobiles et silencieux. Cromwell, appuyé sur les bras de son fauteuil, semble méditer profondément. Enfin, Turlough s'avance vers lui et s'incline. Milord, il est tard. Fais sonner le couvre-feu. N'avez-vous pas besoin de reposer un peu? Oui. De dormir, pourtant, je n'ai pas grande envie. Où Milord couche-t-il cette nuit? Quelle vie! Me cacher tous les soirs comme un voleur qui fuit. Régnez donc pour changer de couche chaque nuit, partout autour de nous, en nous, toujours la crainte. Qu'on mette ici mon lit. Quoi? Dans la chambre peinte? Les juges de Charles... A toujours ce souvenir. Mais c'est ici, Milord, qu'on vit se réunir. Ce Charles... Vous avez, monsieur, trop de mémoire. Obéissez. Turlough baisse la tête et revient suivi de valets qui dressent un lit et apportent deux flambeaux. Cromwell, qui est resté silencieux, se rapproche de Turlough immobile quand les valets sont sortis. D'ailleurs, quand la nuit sera noire... Si ces lieux ont un spectre, il ne m'y verra pas. Ce lit n'est pas pour moi. Qui donc? Parle plus bas. Il ne craint point celui pour qui ce lit s'apprête, les fantômes de rois et les spectres sans tête. Mais quel secret? Tais-toi. Faites ce qu'on vous dit. Vous saurez tout plus tard. Eh bien, mon chapelain. Entre Rochester... accompagné d'un page portant sur un plat d'or un gobelet d'or où l'on voit tremper un rameau de romarin. Le voici justement. Enfin. Le vase est plein. Il faut que Nol le boive. Il va faire un fier somme. J'ai mis toute la fiole. Et je serre le pauvre homme, je l'arrache au remords. Grâce à mes soins d'amis, il n'aura de longtemps d'honneur si bien dormi. Milord, il faut encore de la cérémonie. Buvez cette liqueur que mes mains ont bénie. Ah, vous l'avez béni. Oui. Quel regard. Fort bien. Ce breuvage, est-ce pas, doit me faire du bien? Oui. L'hypocras contient une vertu suprême pour bien dormir, Milord. Alors buvez vous-même. Milord! Quel coup de foudre! Eh bien, vous hésitez? Accoutumez-vous donc, jeune homme, à nos bontés. Vous n'êtes pas au bout encore. Prenez, mon maître, surmontez le respect qui vous trouble, peut-être, buvez. Saviez-vous pas que nous vous chérissions? Que retombent sur vous vos bénédictions? Je suis écrasé. Mais, Milord... Buvez, vous dis-je. Il s'est depuis tantôt passé quelques prodiges. Je vous jure... Buvez, vous jurerez après. Et notre grand complot, et nos savants après... Buvez donc... Nol encore nous surpasse en malice. Vous vous faites prier? Buvons donc ce calice. Il boit. Comment le trouvez-vous? Que Dieu sauve le roi! Quand tout le jour on a joué la comédie, jeûné, prié, beaucoup prêché, juré fort peu, porté masque de saint, pris même un nom hébreu du vieux Nol sur la Bible, essuyé l'apostrophe, c'est dur de s'endormir juste à la catastrophe. Puissais-je encore ne pas me réveiller pendu? Avec moi seulement, Ormond sera perdu, et c'est là tout mon regret. Chassons ce triste rêve. Fiole d'enfer. Ma tête à peine se soulève. Bonsoir, monsieur Cromwell. Que Dieu sauve le roi. Sa tête retombe sur son épaule et il s'endort. Quel dévouement. Qui donc ferait cela pour moi? Portons-le sur ce lit. Cromwell et Turlough portent Rochester sur le lit et l'y déposent sans qu'il se réveille. Turlough, sauve-moi de moi-même. Qu'avez-vous, Milord? Moi, rien. Je t'aime, Turlough. Vous disiez, vous aviez l'air troublé. Et je dis quelque chose? Oui. Vous avez parlé... De rien. Tais-toi. Suis-moi. Dieu, que vous êtes pâle. Dieu. C'est de ce flambeau la lueur sépulcrale. Viens, j'ai besoin de toi. Turlough suit Cromwell et s'arrête en passant près du lit de Rochester. Voyez donc comme il dort. Oui, d'un sommeil profond et voisin de la mort. La poterne du parc de Whitehall, des massifs d'arbres au-dessus desquels se découpent en noir sur le ciel sombre les fêtes gothiques. La poterne du parc, petite porte en ogive très ornée de sculptures. Il est nuit close. Cromwell, déguisé en soldat, un lourd mousquet sur l'épaule, une cuirasse de buffle, un chapeau à large bord et à haute forme conique, grandes bottes. Il se promène de long en large devant la poterne dans l'attitude d'un soldat de garde. Tout va bien! Veillez-vous! Cromwell pose son mousquet à terre et répète. Tout va bien! Veillez-vous! Tout va bien! Veillez-vous! Oui, je veille, et pour tous. Cromwell, qu'à cette place un soin prudent transporte, veut à ses assassins lui-même ouvrir sa porte. Déjà ? Mais non, minuit n'a point encore sonné. C'est un passant. Au soleil couchant, toi qui vas cherchant fortune. Des champs ? Prends garde de choir. Le drôle a mal joué. Brune. Bon, c'est un de mes fous qui chante, et l'Espourou, je crois. Les bouffons. Conduit par Gramadoc, entre avec précaution et à tâtons. La lutte a de l'air, vont danser au clair de lune. Hé, Espourou, tais-toi donc, qu'est-tu fous ? Cachons-nous tous là. Oui, c'est mon bouffon qui rentre. Les quatre bouffons se blottissent sur le banc de gazon. Du drame sur ce point, l'action se concentre. D'ici, nous verrons tout. Il faudrait l'œil d'un clair. Voir, dans le four du diable, il fait vraiment plus clair. Les acteurs, quels qu'ils soient, s'ils trouvaient là nos faces, nous feraient un peu cher payer le prix des places. Nous arrivons à temps. On n'a pas commencé. Pour ça, vous tirez-vous. Le bouffon est passé, sans savoir que ces lieux où chantait son délire vont voir se décider le destin d'un empire. Qu'il est heureux, ce fou. Jusque dans Voital, il crée autour de lui tout un monde idéal. Il n'a point de sujet, point de trône. Il est libre. Il n'a pas dans le cœur de douloureuses fibres. Il ne porte jamais sur ce cœur innocent de cuirasse d'acier. Qui voudrait de son sang ? Qu'a-t-il besoin de cours, de cortège, de garde ? Il chante, il rit, il passe et nul ne le regarde. Que lui fait l'avenir ? Il aura bien toujours l'hiver pour se vêtir un lambeau de velours, un gîte, un peu de pain mendié par des rires. Sans disputer sa vie aux embûches des sbires, il dort toutes ses nuits, n'a point de songe affreux, se réveille et ne pense à rien. Qu'il est heureux. Ah, malheureux Cromwell, ton fou te fait envie. Te voilà tout puissant. Qu'as-tu fait de ta vie ? Mais quel bruit ! Le beffroi. C'est l'instant attendu. Jamais je ne l'avais à cette heure entendu. C'est comme un glas de mort. Comme une voix qui pleure. C'est lui qui d'un martyr sonna la dernière heure. Minuit. Et je suis seul. Si j'invoquais les saints. Ah, je suis rassuré. Voici mes assassins. Les cavaliers entrent à pas de loup. Lord Ormond et Lord Rosebery en tête, grand chapeau rabattu, ample manteau noir soulevé par de longues épées. Ils se parlent à voix basse. L'un d'eux dit à Cromwell le mot de passe, mais Cromwell ne peut répondre car il ignore le mot correspondant. Inquiet, il pense un moment à se débarrasser tout simplement de cette sentinelle gênante en la supprimant. Mais le juriste Muret préfère convaincre le soldat de les aider en lui montrant que son intérêt à lui aussi est de voir Cromwell disparaître, d'où un dialogue plein d'humour où la sentinelle Cromwell apprend à maudire le protecteur. Finalement, on lui remet une bourse. Cromwell les laisse entrer, mais regardant la bourse, il constate avec stupeur qu'elle est brodée aux armes de son fils Richard, dont la trahison se trouve ainsi confirmée. Justement, voilà Richard. Cromwell ne doute pas qu'il ne vienne participer à son assassinat et après un terrible débat de conscience, il va se résoudre à le poignarder quand les conjurés ressortent du palais portant le corps endormi de Rochester qu'ils prennent pour Cromwell. Les conjurés décident alors d'en finir sur le coup et de tuer ici même le tyran. Mais Richard, qui n'avait rien compris à ce spectacle, découvre tout d'un coup que c'est son père qu'on veut assassiner. Il se révolte, s'oppose à ses amis et appelle au secours. Les cris réveillent Rochester et, profitant de la stupeur générale, Cromwell se nomme, appelle ses soldats et fait arrêter les cavaliers, non sans se donner le plaisir de montrer à chacun qu'il l'a reconnu. Il leur adresse enfin un discours que vous allez entendre et sur laquelle se termine l'acte 4. Orsane, vous méditiez des projets incroyables, prendre Olivier Cromwell à des pièges d'enfants, l'égorger, car messieurs, vos poignards triomphants ne m'auraient point traité devant cette poterne comme David traita Saül dans la caverne. Nul de vous n'eût borné l'emploi de son couteau à couper doucement le bord de mon manteau. Je le sais, c'est tout simple, et je vous en approuve. La pitié n'a point place où la vengeance couve. Nous avons tous agi comme nous avons dû. Vous avez attaqué, je me suis défendu. Quant à votre projet en lui-même, j'avoue que j'aime ces élans du cœur qui se dévouent. Le courage me rit et l'audace me plaît. Quoique votre succès n'ait pas été complet, je ne vous place pas moins haut dans mon idée. Par un sentiment fort, votre âme est possédée. Vous marchez hardiment, d'un pas ferme et réglé. Vous n'avez point fléchi, point pâli, point tremblé. Vous m'êtes, agréez mes compliments sincères, des ennemis de choix, de dignes adversaires. Je ne vois rien en vous qui soit à dédaigner, et vous estime enfin trop pour vous épargner. Cette estime pour vous en public veut s'épandre, et je vous la témoigne en vous faisant tous pendre, point de remerciement. Excusez-moi plutôt de confondre avec vous sur le même échafaud. Il se tourne vers Sir William Murray. Ce fanfaron pleureur, ce lâche qui m'écoute, quoiqu'il ne faille pas la corde qu'il me coûte, il doit vous rendre grâce, oui, certes, car sans vous, il n'eût point eu l'honneur d'éveiller mon courroux. Ça, que chacun de vous maintenant me pardonne de le payer si mal, ce que j'ai, je le donne. Ce que je fais pour vous, je le sens, est bien peu. Allez, préparez-vous à rendre compte à Dieu, nous sommes tous pécheurs, frères. Dans quelques heures, quand le jour renaissant blanchira ses demeures, vous serez tous pendus. Allez, priez pour moi. Les gardes et Lord Carlisle à leur tête entraînent les prisonniers qui, tous, à l'exception de Muret, conservent une attitude fière et méprisante. Cromwell reste quelques instants rêveur, puis se tourne vivement vers Turlough. Fais sur l'heure apprêter Westminster! Je suis roi! Il rentre à Whitehall par la poterne et Turlough, après un profond salut, sort par le parc. La grande salle de Westminster. À gauche, vers le fond, la grande porte de la salle. Au fond, des gradins semi-circulaires s'élevant à une assez grande hauteur. Au moment où le rideau s'est levé, plusieurs ouvriers travaillaient à terminer l'estrade sur laquelle un trône est installé au-dessous d'un dais de velours écarlate. Sous le ciel du dais sont brodées en or les armes du protecteur. Les conjurés, Lambert, Overton, Joyce, Milton et leurs amis se sont donné rendez-vous avant l'arrivée de Cromwell. Mais puisque Lambert est leur chef, c'est à lui de porter le coup mortel. Selon le protocole prévu, C'est en effet Lambert qui doit présenter la couronne à Cromwell. Ce sera le moment choisi pour frapper. Mais Overton est effrayé par l'évidente lâcheté de Lambert. Il lui signifie nettement qu'il se tiendra derrière lui et que, s'il le voit hésiter, il le tuera d'abord avant de tuer Cromwell. Entrent alors un groupe de gens du peuple, puis le Parlement sur deux files, précédé de l'orateur devant qui marchent les massiers, les huissiers, les clercs et les sergents de la chambre. Un huissier annonce l'arrivée de la femme de Cromwell, Milady Protectrice, et de ses quatre filles, puis celle de Cromwell, accompagnée de Turloé, et des grands dignitaires qui doivent figurer dans la cérémonie portant sur des coussins de velours rouge, l'un la robe de pourpre, l'autre le sceptre, et le général Lambert la couronne royale. Des acclamations mêlées de cris divers accueillent le protecteur. Les conjurés se répartissent dans la foule. Cromwell reste un moment arrêté sur le seuil de la porte et salue à plusieurs reprises le peuple du dehors. Au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit, la paix soit avec vous. Olivier, Dieu vous aide! Vive à jamais Cromwell! Cromwell se retourne encore et salue le peuple amassé sur la place. Tout vous rit, tout vous cède. Que d'acclamations, quels élans, quels bonjours! Oui, ce peuple innombrable, heureux, ivre d'amour, qui de mon beau destin semble un puissant complice, n'applaudirait pas moins si j'allais au supplice. Il voit dans mon triomphe un spectacle éclatant, il court, en jouit, et rien ne lui plaît tant lorsqu'en joyeux transport le voit se répandre que me voir couronné, sinon de me voir pendre. Bon peuple! Vois ici, quel silence d'ailleurs. Ce peuple est travaillé par les saints niveleurs. Le Parlement, l'orateur en tête, s'avance sur deux files vers Cromwell. Il salue profondément le protecteur qui ôte et remet son chapeau. On a besoin d'un chef qui s'élève entre tous. Il faut un homme au monde. Et cet homme, c'est vous. Milord, guidez-nous donc dans toutes vos fortunes. Et daignez agréer la foi de vos communes. Allons, daignez vêtir cette pourpre, Milord. Cromwell, aidé de Lord Warwick, endosse la robe. Ami, ami, il met son suaire de mort. Voyez-le maintenant, c'est le fils écarlate de Tyr prostitué. Oh, que la foudre éclate! Cromwell, vêtu de la robe de pourpre dont le jeune Lord Roberts, richement paré, soutient la queue, s'avance gravement vers le trône. Le comte de Warwick le précède, l'épée haute. Lord Carlyle le suit, la pointe de l'épée vers la terre. Cromwell, après avoir traversé lentement la salle au milieu d'un profond silence, arrive au pied du trône et se dispose à y monter. Les conjurés se glissent en silence dans la foule et cernent l'estrade. Cromwell, regarde à toi. Qui parle? Dieu confonde l'aveugle dont la voix dit gare à tout le monde. Songe aux idées de Mars. Ne dis pas nos secrets. Milton, expliquez-vous. Manit Michel Fares. Cromwell hausse les épaules et monte sur le trône. Il monte. Je respire. Ah, l'alerte était forte. Cromwell s'assied sur le trône. Le comte de Warwick et de Carlyle se placent debout, l'épée nue derrière son fauteuil. Lord Olivier, ceci qu'entre vos mains j'apporte, c'est l'épée. À défaut d'enclume, un peuple entier sur le front des tyrans en a forgé l'acier. L'honorable cité de Londres vous le livre. Cromwell ceint l'épée, la tire du fourreau, l'élève au-dessus de sa tête, puis la rend au Lord Maire qui la remet dans le fourreau et se retire à reculons. Milord, voici les sceaux. Cromwell prend les sceaux, puis les rend à Whitlock qui se retire. L'orateur du Parlement, suivi des officiers des communes, s'avance à son tour, portant la Bible à fermoir d'or. Milord, voici le livre. Cromwell prend la Bible, et l'orateur se retire avec de profondes révérences. Le général Lambert, pâle et inquiet, s'approche, portant la couronne sur un riche coussin de velours cramoisi. Overton fend la foule et se place près de lui. Milord! C'est moi, courage. Il est à mes côtés. Recevez la couronne. Et la mort. Tous les conjurés épars dans la foule mettent à la fois la main sur leur poignard. Arrêtez ! Que veut dire ceci ? Pourquoi cette couronne ? Que veut-on que j'en fasse ? Et qui donc me la donne ? Est-ce un rêve ? Est-ce bien le bandeau que je vois ? De quel droit me vient-on confondre avec les rois ? Qui mêle un tel scandale à nos pieuses fêtes ? Quoi, leur couronne à moi qui fait tomber leur tête ? C'est ton mépris au but de ces solennités ? Milord, messieurs, anglais, frères qui m'écoutez, je ne viens point ici ceindre le diadème, mais retremper mon titre au sein du peuple même, rajeunir mon pouvoir, renouveler mes droits. L'écarlate sacrée est éteinte deux fois, cette pourpre est au peuple, et d'une âme loyale je la tiens de lui. Mais la couronne royale, quand l'ai-je demandée ? Et qui dit que j'en veux ? Je ne donnerai pas un seul de mes cheveux, de ces cheveux blanchis à servir l'Angleterre, pour tous les fleurons d'or des princes de la terre. Ôtez cela d'ici ! Remportez ! Remportez ce rocher ! Ridicule entre les vanités ! N'attendez pas qu'aux pieds je foule ces misères ! Tu me connais ce mal ! Les hommes peu sincères qui m'osent affronter jusqu'à me couronner. J'ai reçu de Dieu plus qu'ils ne peuvent donner. J'entraverai Dieu, dont la loi salutaire nous fait un sort à part dans le sort de la terre. J'irai du peuple élu, foulant le droit ancien, mettre mon intérêt à la place du sien. Pilote, j'ouvrirai la voile au vent contraire. Non ! Je ne donne pas cette joie aux faux frères. Avis aux malveillants. On sait tout ce qu'ils font. Le flot est transparent si l'abîme est profond. Qui du peuple et des rois a signé le divorce ? Moi ! Croit-on donc me prendre à cette peine amorce ? Un diadème ? Anglais, j'en brisais autrefois. Sans en l'avoir porté, j'en connais bien le poids. Quitter pour une cour le camp qui m'environne, changer mon glaive en sceptre et mon casque en couronne. Allons, suis-je un enfant ? Me croit-on dédié ? Ne sais-je pas que l'or pèse plus que le fer ? M'édifier un trône, c'est creuser ma tombe. Cromwell, pour y monter, c'est trop comme on en tombe. Oh, remporter ce si exécrable ! Oh Dieu ! Ce bandeau trop souvent tombe du front aux yeux. Et qu'en ferai-je enfin ? Mal né pour la puissance, je suis simple de cœur et vis dans l'innocence. Si j'ai la fronde en main veillée sur le bercail, si j'ai devant l'écueil pris place au gouvernail, j'ai dû me dévouer pour la cause commune. Mais que n'ai-je vieilli dans mon humble fortune ? Que n'ai-je vu tomber les tyrans aux abois à l'ombre de mon chaume et de mon petit bois ? Hélas, j'eusse aimé mieux ces champs où l'on respire, le ciel m'en est témoin que les soins de l'Empire. Et Cromwell eût trouvé plus de charme, cent fois, à garder ses moutons qu'à détrôner des rois. Que parle-t-on de sceptre ? Oh, j'ai manqué ma vie. Ce morceau de clinquant n'a rien qui me convie. Ayez pitié de moi, frère ! Loin d'envier votre vieux général, votre vieil Olivier. Je sens mon bras faiblir et ma fin est prochaine. Depuis assez longtemps, suis-je pas à la chaîne ? Je suis vieux, je suis là, je demande merci. N'est-il pas temps qu'enfin je me repose aussi ? Chaque jour j'en appelle à la bonté divine et devant le Seigneur je frappe ma poitrine. Que je veuille être roi ! Si frêle est ton orgueil ! Ce projet, et j'en jure à côté du cercueil, il m'est plus étranger, frère, que la lumière du soleil à l'enfant dans le sein de sa mère. Loin ce nouveau pouvoir à mes voeux présentés, je n'en accepte rien, rien que l'hérédité. Oh ! Nous prions Dieu d'un cœur humble et soumis qu'il vous ait en sa sainte et digne garde, ami. nous vous avons montré notre âme tout entière. Vous demandant pardon pour dernière prière d'avoir un jour si chaud fait un discours si long. Cromwell se rassied. Les conjurés puritains déconcertés gardent un sombre silence et jettent leurs poignards. Rat dans son lit, ils le veulent, ils l'ont. Voilà pourtant qu'il est héréditaire, escamoteur. Vive Olivier Cromwell ! Gloire au vainqueur de tir ! Comme il nous a joué, on a dû l'avertir. La plupart des conjurés puritains se dispersent dans la foule. Lambert, vous dînerez avec nous aujourd'hui. Pourquoi trembler encore ? Il n'est plus là. Qui ? Lui, Overton, qui devait pousser ta main peu sûre. Vous étiez du complot. Moi, Milord, je vous jure. Ne jurez de rien. Mais, Milord... J'ai des témoins, vous en étiez le chef. Le chef ? De nom, du moins. D'ailleurs, vous aviez peur de votre propre audace, et vous n'auriez osé me poignarder en face. Milord, pour ce tyran, au coup d'œil sur éperon, chaque homme a sa pensée écrite sur le front. M'a-t-on dit vrai, Milord ? Une voix peu discrète compte que vous avez du goût pour la retraite. On dit que vous aimez les fleurs de passion. Vous me rapporterez votre commission. Il le congédie du geste. Lambert descend de l'estrade et rentre dans le cortège. En ce moment, Cromwell aperçoit le sceptre que Lord Broghill a déposé sur les marches du trône. Quoi donc ? Un sceptre ? Ôtez de là cette marotte ! Pour toi, mon fou ! Non pas ! Et qu'un plus fou s'y frotte ! Milord, le haut shérif ! Qu'il entre ! Quoi ? Milord, ce blâme, ces prisonniers, ces condamnés à mort. Quoi, serait-ce fini ? Non, Milord, pas encore. À la bonne heure. Ils voulaient adresser dès l'aurore leur gibet à Tyburn. Au lieu fatal conduit, ils veulent près de vous, Milord, être introduits. Faut-il qu'on exécute ? Ou faut-il qu'on diffère ? Qu'allèguent-ils ? Ils ont une requête à faire. Eh bien, qu'on les amène. Ici ? Qu'ils entrent. Place ! Place ! Les cavaliers s'arrêtent devant le trône de Cromwell, Ormond et Rochester au premier rang. Ils ont une attitude ferme et tranquille. Que voulez-vous ? S'ils me demandaient grâce. Nous sommes gens de cœur et nous ne prétendons ni pitié, ni merci, ni faveur, ni pardon. Que me voulez-vous donc ? Un mot, monsieur Cromwell. Quel chemin choisit-on pour nous conduire au ciel ? On nous mène au gibet, mais sait-on qui nous sommes ? Des brigands condamnés à mort. Des gentilshommes. Vous l'ignoriez sans doute, et nous vous l'apprenons. Le gibet n'est point fait pour qui porte nos noms. Et si petite enfin que soit votre noblesse, la corde qui nous souille, autant que nous, vous blesse. On ne se fait pas pendre entre hommes de bon goût et gens de qualité. Nous réclamons. C'est tout ? Il demande la vie. Oui, pesez la requête. Que souhaitez-vous donc ? Qu'on nous tranche la tête. Arrière la potence. Et ses indignités. Nous avons tous le droit d'être décapités. Singuliers hommes. Voix, point de peur, point de honte. Jusque sur l'échafaud, l'orgueil avec eux monte. Leurs préjugés les suit devant l'éternité. Et pour eux, le billot est une vanité. Messieurs, nous vous tenons, chef, lieutenant, complice, tous. Vous vous êtes pris à vos propres malices. L'heure a sonné, le bras se lève pour punir. Or, vous choisissez mal le temps pour obtenir des faveurs. Des faveurs, monsieur. À Dieu ne plaise. Nous réclamons un droit de la noblesse anglaise. Entendez-vous ? Un droit, des faveurs, un billot, un coup de hache. Chef, vous qui parlez si haut. Vous êtes cette nuit venu, saint de l'épée, dans ma maison. La garde ou séduite ou trompée. Vous m'avez dans mon lit cru saisir sans témoin. Que me prépariez-vous ? Bah, le gibet, du moins. Oui, vous étiez pressé, le poignard pas plus vite. Aujourd'hui, quand mes mains le ciel vous précipite, messieurs les assassins, que voulez-vous de moi ? Mourir en chevalier, mourir pour notre roi. Vieillard, vous-même jugez-vous. Voyons. Si le hasard m'eût jeté dans vos fers, vous eût mis à ma place. Parlez, que feriez-vous ? Je ne ferai pas grâce. Je vous la fais. Oh ! Vous êtes libre ! Dieu, si vous saviez mon nom ! Il m'inquiète peu. Du peuple, s'il se nomme, on ne pourrait répondre. Il se tourne brusquement vers Lord Broghill, qui a jusqu'ici gardé un morne silence dans le cortège. Un de vos vieux amis, Lord Broghill, est à Londres. Qui donc, Milord ? Ormond. Ormond ? Dieu saurait-il. Il est depuis 5 jours ici, mon cher Broghill. Voici même un paquet, tenez, qui l'intéresse. Son nom est sur le pli. Savez-vous son adresse ? Non, Milord. Blom, Ostrand, hôtel du rat. Pourquoi ? Le traître est d'avenant. C'est la lettre du roi. Rendez-le à Ormond de ma part. Cette lettre tombant en d'autres mains l'aurait pu compromettre. Dites-lui qu'il s'en aille au plus tôt en songeant à ne pas revenir. S'il a besoin d'argent, donnez-en. De l'argent. Quel homme heureux vous êtes. S'il m'offrait seulement caution pour mes dettes. Le trait est délicat et je suis fort charmé qu'il vous épargne ici l'affront d'être nommé. Milord Rochester ! Quoi ? Vous avez votre grâce. Allez au diable. Il met avec moi moins de grâce. N'importe. Il est proté. Il est magicien. On l'aborde, on croit voir un lion royal. Bien, tâchez de l'endormir. Pit, un coup de baguette. Le lion qui dormait est un chat qui vous guette. Le chat devient un tigre au rugissement sourd, puis la griffe se change en patte de velours. Attendez donc, docteur. Emmenez votre femme. Ma femme? C'est Francis qui me voit. Applaudir, hein, c'est infâme. Ma femme. Milady Rochester. Dame Gugligois descend précipitamment de la tribune de la protectrice et vient se jeter au cou de Rochester. Chérie. Oh, merci de Dieu. Soyez unis. Que dirions-nous de voir qu'une moitié sans l'autre soit partie? Suivez votre mari. Vilmo, quelle amnistie. Dame Gugligois prend le bras de Rochester qui se résigne douloureusement. Muret va recevoir le fouet bien mérité pour ce complot d'enfants pauvrement avortés. Par ma clémence anglais, je veux marquer ce jour. Qu'on aille chercher Carr, prisonnier à la tour. Cromwell fait signe à son fils Richard de s'approcher. Richard, mon héritier, il faut présentement vous ouvrir la milice avec le Parlement. Je vous fais colonel, pair d'Angleterre et membre du Conseil privé. Mais les travaux de la Chambre, mes goûts... Vous êtes bien mon père et mon seigneur et je suis tout confus, milord, de tant d'honneur. Si vous le permettez pourtant, j'ose le dire, j'ai plus que je ne vaux et que je ne désire. J'aime les bois, les prés, le loisir... Le repos, j'aime à chasser des daims et des cerfs par troupeaux, et je tiens à mes champs, où je ne crains d'émeutes que parmi mes faucons, mes gerfaux et mes meutes. Cromwell, mécontent et déconcerté, le congédie du geste. Si l'autre était l'aîné, que sert ce que je fais ? Entre Carr, accompagné du haut shérif. Il considère avec indignation l'appareil royal qui l'environne et s'avance gravement vers le trône de Cromwell. Que me veux-tu ? Tirant par le droit des forfaits, les cachots contre toi n'ont donc pas de refuge. Que me veut l'apostat? Que me veut le transfuge? Silence aux furieux! Laissez-le faire, ami. Le ciel veut éprouver David. Il a permis au fils de Séméi de lui dire anathème. Continue. Hypocrite. Oui, voilà ton système. Couvrir de beaux semblants tes plans fallacieux. Sur ton front infernal, mettre un voile des cieux, railler en torturant, farder la tyrannie, et sur un cœur qui saigne, étaler l'ironie. Mais pour briser ton sceptre et ton masque à la fois, le Seigneur m'a tenu caché dans ton carquois. Il m'a dit, prends ton luth, tourne autour de la ville, du temple de Cromwell chasse un peuple servile, mets en poudre l'autel, jette l'idole au feu, dis-leur, l'Égyptien est homme et non pas Dieu. Te voilà donc, Cromwell, sur ton trône de gloire. Tremble, au jour radieux succès de la nuit noire. Pour tes pas, pour tes yeux, qu'aveuglera l'enfer, le ciel sera de bronze et la terre de fer. Un lit de pourpre endort tes superbes paupières, mais Dieu t'écrasera la tête entre deux pierres. Et nous verrons un jour les peuples enfin grands, avec tes os blanchis, lapider les tyrans. Car on a vu Cromwell sur plus d'un trône impie, pharaon de Memphis, sultan d'Éthiopie, pape, duc, empereur, despotes empourprés, se faire un jeu sanglant des peuples torturés. Mais dans tous ces fléaux dont le Seigneur nous frappe, Cromwell, un homme, un mage, un monarque, un satrape, autant que toi, hardi, cruel, astucieux, c'est ce qu'on n'a pas vu sous le soleil des cieux. Sois maudit. Avez-vous fini? Non, pas encore. Sois maudit au couchant, sois maudit à l'aurore, sois maudit dans ton char, maudit dans ton coursier, dans tes armes de bois, dans tes armes d'acier. Est-ce là tout? Dans l'air que le zéphyr t'apporte, dans le ciel de ton lit, dans le seuil de ta porte, sois maudit. Est-ce tout enfin? Non. Sois maudit. Vous vous déchirerez les poumons. Tout est dit. Écoutez-moi. Frappé d'une ancienne disgrâce, vous êtes en prison. Frère, je vous fais grâce. Allez, je romps vos fers. Et de quel droit, tyran, commets-tu pas assez d'iniquités, parents? De tes forfaits encore veux-tu grossir la liste? Pourquoi viens-tu frapper ma tour de ta baliste? M'arracher au cachot où mes jours sont plongés? Mais pour rompre mes fers, dis, les as-tu forgés? Tu m'accordes ma grâce, ah, despote implacable! Comme ta rage, il faut que ta clémence accable. Rouvrez-moi ma prison, ou si tu me veux libre, absolument, remets l'État en équilibre. Rends-nous le Parlement. Ensuite, nous verrons. Tu viendras avec moi, tous deux courbant nos fronts, tous deux ceints d'une corde et nous souillant la face, nous irons à sa barre implorer notre grâce. Cromwell, en attendant ce jour tant souhaité, rends-moi mes fers, respecte au moins ma liberté. Car est le seul de nous qui soit homme. Allez en paix. Je suis le vengeur suscité. Si vous portez un but, je me fermerai la bouche. Parlez. Ah, ce n'est pas un discours qui te touche. Mais si l'on arrêtait mon bras. Frappez. Meurs bon, tyran. Meurs. Par le meurtre, ils répondent au pardon. Périsse l'assassin. Meurs le parisien. Le peuple indigné s'empare de Sinderkomb qui, tout en se débattant, est entraîné hors de la salle. Voyez ce qu'ils en font. Assommez le perfide. Frère, je lui pardonne. C'est ce qu'il fait. À la Tamise, allons. Le peuple est satisfait. La Tamise a reçu de furieux apôtres. La clémence est au fait un moyen comme un autre. C'est toujours un de moins. Mais qu'à de tels trépas, ce bon peuple pourtant ne s'accoutume pas. Une victime humaine immolée à l'idole. Tout est à lui, l'armée et ce peuple frivole. Rien ne lui manque, enfin. Il a ce qu'il lui faut. Nos efforts n'ont servi qu'à le placer plus haut. On l'ose enfin braver, on l'ose en vain combattre. Il peut l'un après l'autre à présent nous abattre. Il inspire l'amour, il inspire l'effroi. Il doit être content. Quand donc serai-je roi? La Radio-Télévision française et la Société des comédiens français viennent de vous faire entendre en seconde diffusion Cromwell de Victor Hugo sous la direction artistique de Jacques Régnier. Prêtez leur concours à cette émission messieurs Jean Yonel, Maurice Chambreuil, Robert Manuel, André Falcon, Paul-Émile Débert, Jean Piat, Jacques Hézère, Raoul Henry, Georges Vitray, Maurice Portera, Louis Aymon, Jacques Servière, Marco Béard, François Vibert, Henri Roland qui jouait Cromwell, Teddy Bilis, Jean-Louis Gemma, Tony Jacot, Michel Galabru, Gilbert Guiraud, Jean-Pierre Joris, Charles Milot, Arsène Drancourt. mesdames Louise Comte, Yvonne Godot, Maria Fromet, Lynn Noro, Christiane Carpentier, Janine Dehély, Germaine Duard. Prise de son, Noël Barbet et Jean-Jus Forgue. Cette émission vous a été présentée par M. Pierre-Aimé Touchard, ancien administrateur général de la Comédie-Française.